Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious où aujourd'hui, les amis, on va changer de décor. On va un instant quitter les super-héros pour plonger dans l'encre magique de l'Orcana, le jeu de cartes qui fait vibrer les fans de Disney et les stratèges du deck building. Et attention, l'actualité est brûlante. Le chapitre 9, fabuleux, qui vient d'être dévoilé, et les Worlds qui sont déjà passés. Entre le retour de Mickey et Minnie en mode conte de fées, l'arrivée de nouvelles raretés comme les cartes épiques et iconiques, et un format Infinity construit qui pourrait redéfinir la méta, Ravensburger frappe fort. Ajoutez à ça des réimpressions des sets fondateurs, des visuels rétro-inspirés des années 1920 et une carte promo Maléfique Dragon qui fait le régal des petits comme des grands. Et avec tout ça, on obtient un cocktail de nostalgie et de stratégie. Alors, que faut-il attendre de ce set numéro 9? Que nous ont révélé les Worlds? Et surtout, quelles cartes vont dominer le jeu compétitif? On décrypte tout ça avec passion et un soupçon de magie avec le chroniqueur, pour ne pas dire l'invité, que vous connaissez tous, Baptiste. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Marvelicious. Aujourd'hui, ça fait longtemps, nous allons faire un podcast sur l'Orcana. On va faire un peu d'actualité, un peu de retour sur les Worlds, un peu de retour vers le futur aussi, puisqu'on va parler du 7-9 et peut-être aussi du 7-10, si mon invité se sent capable d'aller jusque-là. Mais je pense que oui, il ne joue pas à l'Orcana, il invoque la magie. Son deck est un cocktail explosif de stratégies et de combos imprévisibles. Il connaît les règles mieux que Mickey connaît ses oreilles. Il pioche comme un oracle, il joue comme un prophète. Il top deck comme si le destin lui devait un service. Il arrive avec ses cartes prêtes à chanter la défaite de ses adversaires. Préparez vos ancres, affûtez vos decks. Bonjour l'Orcadis. Oh là là là là, la présentation que tu me fais à chaque fois, ouais. On est toujours très bien reçu ici, hein. C'est incroyable. Hein. C'est vrai. Hello, hello, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien, très heureux de revenir une nouvelle fois, je ne sais même plus combien de fois ça fait, ça tellement fait... que c'est chez moi ici aussi. Connais-tu la moyenne des écoutes? Connais-tu la moyenne des écoutes? Non, je serais très heureux de l'apprendre par contre. Eh ben attends, je vais regarder, mais je crois que... Tu vas être en millions, non? Même le milliard. Non, oh oui, d'accord. Quand même pas. Le milliard, c'est les épisodes de l'Orcana, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Non, non, le dernier avec Gaëtan, 12 000 à peu près. J'ai pas le truc. Mais c'est très bien. 12 722. Voilà. D'accord. Et avec toi, tous les deux, on est à 11 425. Ok. C'est très, très bien. Vois. Donc, on peut les remercier pour nous écouter. Bien sûr. Nous écouter. Merci à tous. Merci les gens. Voilà. Aujourd'hui, on a un programme chargé, d'accord? Oui. On va en parler un petit peu brièvement. Nous allons parler des Worlds, du futur set, des tops et flops aussi. Alors, je sais pas si tu as regardé un petit peu. Il y a J'ai regardé un peu. On n'a pas grand carte à nous délecter, mais bon, peut-être que tu vas nous dire tes tops et tes flops. Bien sûr. Voilà, ton top 3 top et ton top 3 flop. Mais bon, à mon avis, ça fait flop 3-6. Ouais. 3-6, du coup, t'as fait déjà un bon quart du nouveauté. Voilà, ton avis sur le 7-9. Et on va parler un petit peu du 7-10, parce que je crois qu'ils ont balancé quelques... J'ai cru comprendre, et puis j'ai pu dire qu'ils ont balancé quelques teasers sur le 7-10, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Allons voir cela ensemble. Voilà. Alors, as-tu regardé les Worlds? J'ai regardé les Worlds assez religieusement. Voilà, la télé a tourné en fond pendant toute la durée des Worlds et tout. C'était très intéressant. Et c'était un format que j'ai bien aimé. Ouais. Donc, les Worlds, c'était l'événement majeur de la saison. C'était même, on va dire, la conclusion. hein, de la saison. Alors, c'est clair qu'il y avait une ambiance. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il y avait une ambiance de folie à l'intérieur, parce qu'en fait, c'était pas ouvert au public. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait pas grand monde sur place. Ouais. Voilà, c'est ça. On avait des joueurs qui venaient du monde entier. Voilà. J'aimerais savoir pour toi quelle domination de deck tu as vu en couleur. Parce que moi, j'ai vu tellement de decks originaux que j'arrive pas à te dire. Après, ça dépend des formats, parce que du coup, on a vu, faut rappeler qu'on a vu deux nouveaux formats de jeu apparaître, oui, avec les Worlds. Vas-y, alors, on peut en parler. Alors. Le super scellé, en gros. Qui était super scellé, ouais. Parce qu'en gros, c'était 4 boosters des 4 derniers sets en cours, à partir de Ciel Scintillant, il me semble, jusqu'à là, le dernier set. Donc, les joueurs, en gros, ouvraient leurs boosters et ils faisaient un deck de 50 cartes, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Avec 3 couleurs, par contre, d'encre maximum. Ils pouvaient mélanger jusqu'à 3 couleurs d'encre maximum. Donc, de ce que j'ai vu, ils sont tous orientés à peu près vers les mêmes couleurs. Du coup, on a eu aussi le format triple deck construit. Celui-là, aussi, c'est celui qui était très intéressant. Ouais. J'ai trouvé que c'était le meilleur format. C'était très très bien. Donc, pour rappeler rapidement, du coup, c'était les joueurs venaient avec 3 decks. Et en gros, ces 3 decks devaient comporter les 6 couleurs d'encre disponibles sur leur cana. Donc, il ne pouvait pas y avoir de doublons de couleurs d'encre dans 2 decks. Donc, il fallait absolument utiliser les 6 couleurs d'encre dans les 3 decks. Donc, ça, c'était vraiment très, très, très intéressant. Le premier jour, ils se sont affrontés en super scellé. Ouais, c'est ça. Le deuxième jour, en triple deck construit. Et le troisième jour, c'était normal, quoi. Non, c'était pas... non, c'était... Il n'y avait que 2 jours. Oui, il y avait que 2 jours, oui. Mais ouais, en gros, ils se qualifiaient pour un top 8. Donc, fallait gagner absolument. Soit fallait gagner 5 matchs. Et à partir du moment où ils gagnaient 5 matchs, ils étaient d'office qualifiés pour le top 8. Ou soit, après, c'était. Ils prenaient par numéro, par ordre de tête de série, de choses comme ça. Pour combler le top 8. Diffusé sur Discord à partir de 14h. Donc, vous pouvez faire la grasse mat. Je crois que ça finissait vers minuit, mon souvenir, quand j'ai regardé. Je sais plus, ouais, un truc comme ça. Ouais. Je regardais des rediffs et tout, des fois. Enfin, parce que des morceaux par-ci par-là. Tu trouvais ce format, c'était original pour toi, c'était bien lorsqu'on part du schéma traditionnel avec des rondes classiques, avec ton deck scellé. Ton deck pour moi, en vrai, pour moi, c'était vraiment super parce que ça montre en gros la polyvalence des joueurs, parce que tu as tout l'aspect d'un TCG qui est le deck building, donc la construction de deck, savoir comment tu veux construire ton deck pour le rendre plus fort que les autres. Et en fait, ça, le format scellé, le format super scellé, du coup, favorisait un petit peu ces joueurs qui avaient cette faculté à construire leur deck de façon rapide et efficace. Donc ça, en vrai, j'ai trouvé que ça prenait, en fait, si tu veux, un aspect du TCG qui est très peu récompensé en tournoi, parce que finalement, quand tu vas en tournoi, tu regardes les listes qui ont un peu performé récemment et tu t'en inspires, voire tu les reprends à la carte près et tu vas jouer avec. Tandis que là, les mecs ont dû construire de zéro leur deck et performer ensuite derrière avec. Donc ça, déjà, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé. Et puis derrière, le triple deck construit, c'était bien aussi, parce que pareil, ça oblige les joueurs, au-delà donc de leur capacité à construire leur deck, à être bon, mais pas avec un seul deck. Parce que souvent, on voit les joueurs être bons avec une bicolorité. Et bah là, du coup, il fallait quand même être bon avec au moins une autre. Quoi. Ça joue au talent, en fait. C'était vraiment, là, c'est pas... championnat du monde. Hein. C'est... Ouais, c'est ça. T'arrivais pas avec ton deck déjà préfet, machin. Là, c'est ça. Hein, tu arrivais, là, t'étais au talent. Moi, j'ai trouvé ça très appréciable. T'avais plein de Différents. C'était trop bien. J'aimais pas trop, on avait déjà parlé... les illumineurs du tournoi à Vernon où c'était tout le temps les mêmes decks qui performaient. Là, c'était vraiment quelque chose, des decks originaux, intéressants, etc. Et puis, tout le monde n'est pas venu avec les 3 mêmes decks. Enfin, oui, ils n'ont pas tous rempli de la même façon les bicolorités. C'était vachement intéressant, du coup. C'était très varié. Oui, c'était appréciable à regarder. Bien commenté sur Twitch, j'ai beaucoup aimé aussi les intervenants. Bon, c'était petit quick, Rofelos, Val et PL, je crois. Ouais, j'ai regardé le cast anglais, moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, d'accord. Bon, j'ai rien dit, je vais couper. quand c'était eux et c'était plutôt agréable. Après, moi, je sais que je me. Alors, je suis désolé pour les commentaires, j'ai mis en mute, moi, des fois. Voilà. Ouais, bah, bien sûr. Mais, et pour regarder. Mais bon, en tout cas, appréciable. Quand même, un Word, pour toi, est-ce qu'il n'arrive pas trop tard? Parce qu'au mois de juin, quand même. Fin juin. C'est qu'on a attendu, hein. On a eu toute cette période où ça a un peu traîné en longueur, on a longtemps attendu les annonces des nouveaux DLC, de la nouvelle saison compétitive, etc. On connaissait vaguement la date des Worlds, mais même l'annonce de la date des Worlds s'est fait très, très tardivement comparé à la date de l'événement. Mais ouais, c'est tard. Alors, je reviens sur ce qu'on avait dit la dernière fois sur le podcast, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait traîner un peu en longueur pour permettre à tout le continent asiatique, océanique, de pouvoir nous rattraper un petit peu dans leur saison compétitive, pour que dès la saison 2, on puisse englober tout le monde, vraiment le monde entier, pour les prochains championnats du monde. C'est peut-être pour ça que c'est un peu traîné en longueur au début, ou alors est-ce que juste eux, même eux, ne savaient pas trop vraiment dans quelle direction ils allaient, je ne sais pas, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu traîné en longueur, et ça a quand même blasé pas mal de joueurs en vrai. Bah oui, après, bon là ils ont fait une nouvelle formule, donc il manque, alors j'ai compté, il manque un DLC, parce que d'habitude il y en avait 4, là j'ai compté qu'il n'y en avait que 3 en Europe, à moins que je me trompe. Alors, est-ce que c'est pas 3 plus le, tu sais, le LCQ là, le Last Chance Qualifier? Je sais pas, attends, je vais essayer de retrouver, mais en tout cas le premier est à, si je me trompe pas, il est à Bologne, ouais, c'est en Bologne, octobre. Après c'est Gant, je crois, en Belgique. Et l'autre, dernier, je sais c'est plus. À Dortmund. Voilà. Dortmund, Allemagne. À l'Allemagne. Et après, le LCQ. Après, ça sera à Disneyland Paris, je pense. J'espère. Bah oui. Parce que déjà qu'on nous prive de Lille, putain, je suis déçu. T'iras à Gant, c'est pas grave. Bah, je sais pas. Mais, oui, c'est pas. Ouais, je sais pas. Bologne, j'ai pas pris ma place. Gant, peut-être, à voir. Ça dépend, je sais plus les. Parce que tu sais, pareil, ils ont annoncé les formats. T'auras des formats infinis aussi, là. Oui, enfin... Infinity. On en fera un podcast avec Gaëtan, s'il nous donne l'honneur de... Si le ministre a un trou dans son planning. Ministre chargé, très chargé. Ça serait une star. C'est ça. Et donc, du coup, tu connaissais le victorieux des Worlds ou pas? Décapé, ouais. Ouais. Bah, il fait beaucoup parler de lui. Hein. On l'appelle Décapé parce que... Voilà, c'est ses initiales, hein, c'est une grande femme, mais bien sûr, c'est un joueur allemand, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, joueur allemand. Voilà. Et ouais, bien sûr, bah, il fait beaucoup parler de lui, parce que bah, déjà, il a un deck qui porte son nom dans la méta, hein, qui est le deck décapé, c'est le deck bleu-rouge avec les Maui, requins, voilà, qui peuvent l'orer assez vite, les manoirs, etc. Donc c'est lui le créateur un peu de ce deck, même pas un peu, même totalement. Donc oui, il était déjà très connu dans la sphère Lorcana. Moi, je dois être sincère, c'est pas lui que je voyais forcément gagner. Mais oui, il faisait partie, en tout cas, des prétendants sérieux au titre, ouais. Ah, j'aurais pas cru, moi, tu vois. Ah ouais, moi j'ai toujours bien aimé. J'aurais cru que les Américains auraient plus performé que les Européens, parce que je crois qu'il y avait quand même pas mal d'Européens bien dans sûr. La phase finale. Et j'aurais cru que les Américains auraient été beaucoup plus performants. Ouais, j'avais mis une petite pièce, pourquoi pas, sur Zansaid, et puis sur Zach Bivens aussi, que j'aimais bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, c'est là où j'ai vu qu'il y avait quand même un... Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre, puisque dans les tops, il y avait beaucoup d'Européens par rapport aux Américains. Et je me suis dit, est-ce que le niveau de jeu en Europe n'est pas plus élevé que celui aux États-Unis? Ah bah, bien sûr. Ouais, mais déjà, en fait, les métas sont différentes. Quand on regarde sur les DLC américains... On voyait quand même dans l'ensemble beaucoup de decks améthystacier, pas améthystacier, émeraude acier, pardon, vert gris donc, alors que nous, on était plutôt sur des bicolorités un peu plus stables, on était moins prise de risque, des choses du vert violet, on avait du violet rouge, évidemment du steel song, enfin des choses comme ça, et là-bas, c'est pas des bicolorités qui sont vraiment très... Enfin, elles sont représentées, mais elles sont pas vraiment parmi les meilleurs. Enfin, les meilleurs joueurs ne les jouent pas forcément. C'est plus du vert gris qu'on voit là-bas. Donc les métas sont différentes. Après, de là à te dire est-ce qu'ils sont meilleurs que nous ou pas, Mon côté chauvin me ferait dire qu'on les explose, évidemment. Mais j'avais vraiment cette impression où tu avais des rondes américains contre européens, et boum, c'était... Enfin, l'américain, des fois, j'avais certains américains, j'ai trouvé complètement à la rue. Dépassé un peu, ouais. À la rue. J'étais loin de me dire que... J'aurais cru honnêtement que le niveau... Dans ma tête, c'était bon, bah, on est aux États-Unis... C'est là où sont tous les TCG, où sont nés tous les TCG. Il y a les et il y en a d'autres que l'Orcana. Et du coup, je me suis dit bon ben c'est des pros quoi. Et en fait, les Américains éliminés au fur et à mesure et les Européens prendre des galons. Ah oui quand même. Mais on a des joueurs quand même très très sérieux en Europe hein, quand même. C'est un beau berceau l'Europe pour le TCG aussi. Ah carrément. En tout cas. C'est rassurant, ça veut dire que les Européens sont là. Voilà, exactement. Ça veut dire que nous sommes là. Voilà. Pour ce qui est du calendrier, donc on a parlé. Et enfin, c'est la fin de Melee, ce que j'ai compris. Oui. Voilà. Ouais. Tu t'es inscrit sur la nouvelle plateforme Ravensburger Playhub. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai mon petit compte. Bah, d'ailleurs, même les championnats de 7 avaient commencé à... ont été créés dessus. Ouais. Moi, personnellement, à ma boutique, je crois que le site a planté, on a dû faire autrement. Ah oui ? Mais ouais, le tournoi plantait. Il a recréé le tournoi sur Melee, du coup. Il a fait un challenge, je sais plus comment il a fait. Enfin bref, il s'est démerdé pour pouvoir faire un tournoi sur un logiciel tiers, quoi. Mais... Tu as un petit peu zioté, regardé, t'as fait quelques tournois en t'inscrivant dessus ou pas ? Pas du tout. Je t'avoue que là... Ah, tu l'as fait, mais au final, ça a foiré, quoi. j'ai fait un seul championnat de 7 et je n'ai pas refait de tournoi depuis. Là. T'en as fait un récent Non, c'était... je crois que c'était début... mi-juillet. C'était mi-juillet, donc c'était il y a un mois, ouais. Oh, il y a un mois. C'était le championnat de 7 de Jaffar, du coup. Exactement. Tout à fait. C'était bien. Il y avait du monde. Mais il y avait personne. Il y avait pas grand... il y avait pas... On était une vingtaine, à peine. Ah oui? Je crois. Ouais. Ah mais il n'y avait personne. Enfin, je te dis, les gens, ça les a lassés d'attendre 15 plombes les annonces du prochain format compétitif, de l'avancée de la prochaine saison. Il y en a qui sont partis. En plus, il y a eu l'annonce de Riftbound, le TCG de League of Legends, forcément, qui a fait de l'œil à pas mal de gens en attendant. Donc, les gens ont un peu bifurqué. Et puis, Il y a beaucoup de gens de leur cana qui sont partis dedans, j'ai trouvé. Tout à fait. Mais. Il y en a pas mal que je suis sur Instagram qui disent alors Kana, je m'y investis plus ou moins parce que Riftbound est apparemment. Tout à fait, ouais. Donc tant mieux dans le sens. Ça laisse de la place pour tout le monde. Et est-ce que tu as prévu justement d'aller faire une préouverture puisque les Fabuleux arrivent le 29 août, si je ne me trompe pas, pour les boutiques spécialisées. Ouais, 29 août. Ouais. Le lundi d'après, du coup, pour tout le monde. Donc, est-ce que tu as prévu de faire une fameuse préouverture Les petits zappés, comme on dit, ouais, un scellé ou un truc comme ça. Chapitre 9, scellé, bien entendu. Ouais. J'ai pas prévu. Pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas prévu. Parce que, mine de rien, c'est un coût. Si tu payes ce que t'achètes, hein, évidemment. Mais, c'est ça. Et puis, on en parlera un petit peu plus tard. Mais le set est. Attrayant, mais je sais pas si je préférerais pas faire du carte par carte plutôt que d'acheter en masse comme ça. Surtout que, j'ai beaucoup de cartes, on en parle. Ouais. J'ai beaucoup de cartes. Enfin, merci, mais si je veux faire un scellé avec les cartes du 7-9, j'ai mes classeurs derrière moi, je prends des cartes au hasard et puis finalement je le fais. Quoi. Voilà, non, j'abuse un peu en disant ça, tu vois, mais dans l'idée, c'est un peu ça, c'est que ça me fait chier de payer, 40 balles d'AP pour final me retrouver avec des cartes que j'ai déjà en x4, x5, x6, x15 dans ma collection. Quoi. Donc, tu trouves que t'abuses, toi? Je dis que abusé, c'est le cas. Justement. Il y a des nouvelles. En transition. Voilà. Pour le professionnel. Voilà. Le 7-9 qui s'appelle Fabuleux. Bienvenue dans l'histoire. Donc, quand on va sur le site internet de l'Orcana, l'introduction est magnifique. Je vais te la lire, mais il y a de la puissance dans les histoires que nous racontons. Bienvenue à Disney l'Orcana, royaume où l'histoire magique prenne vie. Voilà. que vous jouiez au jeu pour la première fois, que vous reveniez pour faire une équipe avec de nouveaux amis, il y en a pour tous les goûts dans Fabuleux. Ça veut dire, en quelques mots, bienvenue aux nouveaux, on va vous faire découvrir ce qui existait, et bienvenue aux anciens, on va en faire un petit peu plus. Comme ça, voilà. Quand on voit, un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Tu trouves pas que... En fait, à chaque fois, on avait un méchant, c'est en fin de set ou une histoire. À chaque fois, mais là, j'ai pas l'impression que ce set a une véritable histoire. Moi, je le prends un petit peu en forme de set de transition, si tu veux. C'est un peu le set de l'entre-deux où on dit au revoir à toute la première partie du jeu et on prépare la deuxième partie. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois moi personnellement. Pour qu'à partir du 7-10, on puisse lancer peut-être une nouvelle histoire avec un nouveau lore, un nouveau méchant. Peut-être des nouveautés comme ça en termes de storytelling qui vont apparaître. Mais moi, je le vois vraiment comme un set d'entre deux où on dit au revoir aux cartes qui étaient un peu trop jouées, un peu trop fortes peut-être dans le format. Et on en accueille quelques-unes des nouvelles. Et puis voilà, on refait un petit peu une tambouille, et puis après, on repart avec le nouveau set, le 7-10, pour relancer un peu la machine du jeu. Quoi. Moi, perso, c'est un peu comme ça. Une transition pour... Un set de transition, tu vois, c'est cool. On se prend pas la tête, on refait des cartes, on met des nouvelles raretés, on voit comment ça se passe, et puis voilà, quoi. Mais tu vois, ça me gêne un peu, parce que quand t'es tellement habitué à des changements... Tous les 3-4 mois, avec des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques, etc. Avec une histoire quand même. À chaque fois, on a une histoire. Ça fait à peu près une histoire à chaque fois en 4 parties. Parce qu'à chaque fois, c'est tous les 4 sets, on a un méchant. Donc Ursula. Ouais. Et puis là, Jafar. J'ai pas l'impression. Même si ça fait transition, même ça fait pas tellement d'histoire. Tu vois. Ça me gêne un peu. Ouais, je comprends. Je comprends si. J'aime bien quand il y a des histoires. Mais bon, on en a pas. Bon. Mais bon, c'est comme ça, on n'est plus rien. C'est la rotation. Oui, donc, du coup, la rotation, on va en parler. Donc, est-ce qu'aux alentours de toi, parce que j'ai pu en parler, parce que pour m'être inscrit et jouer avec sur votre magnifique tournoi sur Mulligan TV, on parlait un petit peu avec notre division. Tout le monde est d'accord de dire, enfin, elle se faisait attendre. On hésitait un peu à savoir si c'était bien ou pas la rotation. Et en fait, tout le monde est d'accord à dire... Ouais, enfin la rotation, parce qu'il y a des cartes qu'on ne veut plus voir, etc. Et qui permettraient de rafraîchir un petit peu ces decks. Tu es dans cette même perspective, toi, mon souvenir. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un truc qui va faire du bien au jeu, qui va permettre à des cartes qui étaient mises de côté de pouvoir émerger, peut-être des archétypes de decks qui vont peut-être pouvoir émerger. Tu vois, tu avais beaucoup de personnages avec le trait soutien, par exemple, qu'on voyait très peu, voire même jamais. Dans les decks ou peut-être des decks du coup avec les decks héros, les decks qui paraissaient un peu fun entre guillemets à jouer mais pas forcément très méta, peut-être que ces decks là du coup vont pouvoir le devenir ou au moins se faire une place assez sérieuse dans le jeu, mais pour moi c'était nécessaire quand tu fais des tournois depuis par exemple j'ai des bêtises mais le set 3-4 et qu'à partir de ces sets là tu vois tout le temps les mêmes cartes et que tu te dis que dès qu'un nouveau set sort, y a juste deux cartes dans le deck qui vont changer. Chiant, quoi. Dire un set Lorcana, c'est 204 cartes. Si dans les 204, il y en a que, allez, avec les 6 couleurs, on va dire 12, on va en prendre 2 par couleur. J'abuse un peu, peut-être, mais s'il n'y en a que 12 qui vont devenir méta sur les 204, les collectionneurs sont contents parce qu'il y a 204 nouvelles cartes à choper, mais les compétiteurs vont peut-être faire un peu la goule, quoi. Quelle carte que tu ne veux plus encadrer. De quoi ? Quelle carte tu ne veux plus encadrer ? Tu peux plus la supporter, cette carte. Tu veux plus Prince Jean. Ouais. Prince Jean, Prince Jean. Je le veux au bûcher. Je le veux au bûcher. Il y a eu un peu un recul du Prince Jean avec la mort de Bucky, mais il est revenu en force, le Saligo. Donc, je n'en veux plus. Je n'en veux une plus. Autre que tu veux plus. Une autre que tu ne veux plus. Une autre que je veux plus. En vrai, il n'y en a pas que je déteste. Ariel, en vrai, ça me fait un peu suer qu'elle parte, mais une autre que je veux plus, non. Après, Maui, en vrai, ça m'embête de dire ça, mais le Maui du 7-1, ouais. Karush, alors il n'est pas dans tous les decks, etc. Il n'est plus aussi joué qu'avant. Mais en vrai, quand tu regardes la carte, il y avait déjà un sérieux problème dès le 7-1. Il y avait déjà un sérieux problème sur cette carte. Je veux dire, une carte qui est ancrable, qui coûte 5, qui a des stats de 6 de force, 5 de volonté et qui a charge, il y a un problème. Je veux dire, il y a un sérieux problème, si tu veux. La carte était vraiment mal designée. Donc c'est une bonne chose qu'elle parte. J'ai pas envie de dire soyez prête, parce que j'espère revoir soyez prête dans les dernières rééditions. Parce qu'à l'heure où on parle, il me semble pas qu'elle ait été annoncée. Non, et Prince Jean non plus, t'inquiète pas, je l'ai pas vu. Ça c'est super, c'est vraiment une très bonne chose. c'est excellent, excellent, j'en suis ravi. Donc, il est heureux le gars. Voilà, là je suis très content. Il n'y a pas Prince Jean. Ah, Prince Jean, c'est celui que je voulais le voir sauter le plus vite possible. Voilà, c'est celle que j'aimerais bien revoir. Celle que j'aimerais bien revoir, eh bien, elles sont déjà annoncées, celles que j'aimerais bien revoir. Il y avait le Stitch Rockstar. Stitch Rockstar. J'adore cette carte. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir faire quelque chose dans la nouvelle méta. Il y avait aussi une carte que j'adorais qui revient. C'est la. J'ai la liste en face des yeux en même temps, mais je la cherche. La Mulan. Celle avec l'arc. La Mulan, la Mulan Archer. Elle est géniale. Elle est géniale. Ouais, ça, je suis. Elle est très content aussi. Elle est sous-cotée. Ouais. Mais elle peut faire des choses très très solides, je pense. Donc j'aime bien cette carte. Je suis très content de la revoir. Et en carte pas encore annoncée, mais que j'aimerais revoir, mais je crois pas que ce soit encore possible. Merlin Chèvre. Alors non. Réflexe. Alors non, pour le coup non. Mime Renard. Mime Renard, ça m'aurait pas dérangé de la revoir. Mais pareil, c'est une carte qui avait un problème pour moi aussi. C'est réponse du 7-1. Pour moi, elle n'est pas si cheatée que ça, comme on peut l'entendre. De deux, non, je ne sais plus qui soigne. Tu peux soigner jusqu'à 3 blessures et tu pioches autant de cartes que tu as guéri de blessures. Et donc, celle-là, j'aimerais beaucoup la revoir. Parce que la pioche, c'est bien. Et la pioche en jaune, c'est assez limité quand même. Donc, j'aurais bien aimé. Je vois qu'on a C'est la fête qui est revenue, ça peut être déjà une bonne chose aussi. Mais voilà, c'est les cartes que j'aimerais bien revoir. Il y a une carte qui a été annoncée, pour moi c'est peut-être une erreur à voir, mais c'est La vie d'un pirate. Ah ouais, non, c'est la vie d'un peu plus. Tous ceux qui l'ont vu qu'elle sortait, c'est celle qui t'enlève 2 de l'or, quand tu t'enlèves 2 de l'or et qui enlève 2 de l'or. C'est ça. Là, les gens, ils ont pas. Enfin, en fait, tout le monde le m'a problème parlé de cette carte-là, c'est sa combo avec Maui Requin en fait. Oui, c'est ça. C'est le problème de cette carte-là, c'est que la carte est forte, ok, mais avec Maui Requin, elle devient vraiment incroyable, quoi. Donc, et vu que c'est la même couleur, vu que c'est la même couleur d'encre, et si tu veux, c'est encore plus chiant. Parce que Maui Requin, mon souvenir, il t'enlève 1 de l'or si jamais tu fais une action. Alors non. Maui Requin, il te fait gagner 1 de l'or si tu joues une action. Donc, la vie d'un pirate te fait gagner 3 points de l'or si tu cumules l'effet de la carte plus le passif de Maui. Et en fait perdre 2 à l'adversaire. Et après, il creuse un delta de 5 points de l'or rien qu'à une seule utilisation. Ouais. Et Maui Requin peut retourner la chercher, puisqu'à chaque fois qu'il défie, il peut récupérer une carte action de la défausse. Et vu que Vite un pirate est une action chanson, eh bien, il peut récupérer et pourquoi pas la rechanter si un chanteur est prêt, instantanément. Voilà, donc faire plus 6, moins 4... Terrible. Tout le monde dit comme toi, tous ceux à qui j'ai parlé, tu dis cette chanson-là, on n'en veut plus. C'est un super. C'est galère. Pour moi, c'était bien parce que c'était un bon counter à Merlin Chèvre. Si tu veux, quand le mec était à 18 de l'or, il te posait Merlin Chèvre. T'étais là, il montait à 19. Tu te dis, la chèvre, si j'enlève, elle fait 20. Comment je peux faire? Faut que j'enlève du lore. Bon, il y a d'autres cartes qui permettent d'enlever du lore dans l'Orcana, mais La vie d'un pirate était quand même un bon counter à ça. Il y avait aussi le Donald qui faisait un peu office de counter à ça, mais qui finalement n'est pas joué. Le Donald qui dit qu'il faut que l'adversaire maintenant marque 25 points de l'or pour gagner la partie. Mais voilà, la chèvre était un peu le problème de fin de partie où quand l'adversaire était à 18, il montait à 19 avec sa chèvre. Et là, il n'y avait plus grand chose à faire. Sauf si toi, tu pouvais finir le tour d'après, mais ce n'était pas forcément le cas. J'ai pas vu qu'il y avait une nouvelle mécanique en tout cas. J'avais pas cette impression-là. Là, avec les... Il n'y en a pas. Je ne crois pas. Je réfléchis. Je ne crois pas. En préparant le podcast, je n'ai pas vu une nouvelle mécanique. Mais il me semble pas. Donc, avec les nouvelles cartes, il me semble pas. Non. Si ça me revient, je te le dirai, mais il me semble pas qu'il y ait de... En tout cas, on a des nouvelles licences. Donc, on avait déjà... On a Dumbo. Voilà. Ah oui. Dumbo. Ce qui est pas quelle mal. Entrée. Ouais, quelle entrée. Pas mal, Dumbo. Pas mal. Ils nous ont pas trompé sur la qualité des cartes. Oula, putain. Tu vas Dumbo trompé. C'est pas grave. Le sens. L'éléphant, tout ça, tout ça. Non, t'inquiète, mec. Excellent, excellent. Non, excellent. Le moment de solitude, voilà. Excellent, excellent, excellent, excellent. Ouais, arrête, on la garde. Il y a des cartes aussi Dingo et Max. Voilà. Ah ouais, ça j'adore. T'as regardé un petit peu les cartes Max et Goofy, un petit peu comment elles étaient? T'en as pas beaucoup? J'ai regardé un petit peu, il y en a qui me chauffent pas mal, je vais pas te mentir. Vas-y, dis-moi laquelle. Pardon, en rubis, normalement. Oui, bah, j'ai l'impression qu'en rubis, elles sont mieux. Tu vois, les cartes Powerline. Ouais, lui, à mon avis, lui, ce monsieur-là, il va permettre... En fait, Stilsong ne sera plus jaune-gris, mais à mon avis, la couleur des chansons pourra devenir rouge. Avec quelle couleur, on ne sait pas. Mais alors, je le cherche. On peut le shifter. Il est alter, Singer 9. Durant votre tour, lorsqu'un joueur chante une chanson, regarde tes 4 premières cartes de ton deck... Et tu peux révéler une chanson qui coûte 9 ou moins et la jouer gratuitement. Comme voilà. Tu dis, ça va faire mal. Ça peut faire mal. Déjà, donc il est mélomane 9. Donc ça veut dire que même s'il coûte 6, il peut être incliné pour chanter des chansons qui ont un coût jusqu'à 9. Et attends, t'as la plus petite. Je crois qu'elle fait 2 et elle est mélomane 4. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vanessa. Ursula, mais c'est le sous-titre Vanessa, qui est pareil, qui arrive T2 et qui peut chanter pour 4. Mais du coup, ça fait une bonne base pour l'alter au tour 4, pour cette carte-là. Et le fait, en fait, d'avoir déjà Shift 4, donc ça c'est pas mal, c'est fort. Méloman 9, c'est fort. La carte est ancrable, ça reste intéressant. 6 en force, 4 en volonté. J'ai pas vu de Zeus revenir pour l'instant, non, mais du coup, là une fois de plus, c'est fort. Deux de l'or, c'est très ok. Par contre, t'as plus puissant que le feu des volcans qui revient. Ça, c'est chiant. Ah oui, mais non, ça c'est bien. Parce qu'il fallait quand même. Ils ont enlevé perdu dans l'hiver. Pour moi, c'est perdu dans l'hiver qui était très problématique pour le gris. Parce que tu gérais le board adverse très rapidement. Et en plus, tu piochais. Ça, pour moi, c'était très, très problématique. Tandis que, en fait, plus ardent que le feu des volcans, si le mec a pas de board en face, la carte, elle fait pas si mal que ça. Si tu veux. Cette carte-là dont on parle, elle n'est pas légendaire. Non, elle est très rare, je crois. Très rare, effectivement. Donc, on peut la choper plus facilement. C'est ça. Et le fait, en fait, là où c'est fort, c'est que au-delà d'Ariel, qui, elle, faisait le même effet, donc elle regardait les 4 premières cartes du deck pour révéler une chanson, ensuite tu la mettais dans ta main, lui il la joue gratuitement. Il n'y a même pas le besoin de l'incliner, etc. Donc c'est-à-dire qu'il faut que lui, chante une chanson, bien sûr, il faut qu'il soit utilisé pour chanter une chanson, mais une fois qu'il le fait, il peut en chanter une deuxième potentiellement, derrière. Tout à fait. Donc ça, c'est très très fort. Là où t'es Ursula en vert, ouais c'est ça, elles vont être utiles, parce qu'elle a ressorti la carte. Et je me demande s'ils ne l'ont pas ressorti pour essayer un peu d'équilibrer. Parce que ce powerline, à mon avis, on va le voir souvent. Alors, je sais pas si la combo va fonctionner. Ah oui, tu parles de la verte, pardon, pour enlever les chansons. Toi, tu parles de la... Oui, c'est ça, celle que bien sûr. Ça sera important d'en enlever le plus possible de l'adversaire. Bien sûr. Ça sera très important, parce qu'un powerline va facilement tourner. Et du coup, parce que quand tu as un powerline 2 d'encre qui fait Singer 4, tout à fait. Tu peux en sortir, hein. Donc, ouais, t'as raison. Il faut te dépêcher d'avoir tes Ursula, quoi. Donc, Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que quand ça va te mettre un peu la puce à l'oreille quand le mec en face, T2, il va te poser un powerline. Tu vas dire, oh, oh, tiens, dis donc. Ça commence à sentir pas très bon, là. je vais quand même regarder ta main. Dis-moi ta main que je la regarde. Il y a trop de chance, on va en enlever un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, j'aimerais bien. Je verrais bien. Alors pas forcément avec du gris, mais ni du jaune, mais je verrais bien, je sais pas, un rouge-vert en deck chanson. Et tu sais quoi, c'est ce que je me suis dit, est-ce que je vais pas jouer rouge-vert la prochaine fois? Ouais, en vrai, ça me paraît pas déconnant, dans le sens où en plus on a Sous l'océan qui a été réédité, donc ça peut être un sérieux quand même, une sérieuse cible pour l'effet passif de Powerline, puisque bah, il peut choper une carte jusqu'à 9, ça coûte 8, Sous l'océan. En fait, c'est les cartes à l'unisson qui vont devenir très fortes avec lui. Donc il faudra regarder en fait les cartes à l'unisson qui peuvent être sympas. Ça marchera pas avec le violet parce que deuxième étoile sur la droite, elle coûte 10. Donc là, elle coûte un peu trop cher, donc du coup ça devient moins fort. Mais Avec avec un Powerline, Maui, un requin et Chant d'un pirate. bah c'est ça en fait, c'est ça qui va faire chier Bon, quoi. allez, les gens, fessez. Voilà. C'est C'est ça. En la fait, fessée. en plus t'as un roi incontesté qui revient Oui, aussi. c'est Donc 8. ouais, donc ça peut être pas mal. T'as N'écoute que moi qui peut renvoyer les persos. T'as Cruelle Diablesse qui peut faire défausser. Donc tu vois, Krenyesh, t'as elle plein revient? de Non. ouais, Cruelle Diablesse, elle revient. Ouais. Ah, Je d'accord. l'ai vu passer. J'espère pas te dire une connerie, mais Attends, je vais regarder ma je l'ai liste en vu. sauvegarde. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. T'as vu passer Cruel Diablesse? J'ai pas Ouais. vu moi. Parce qu'il y en a vu qu'il y en a qui sortent toujours. Gaëtan sort la sienne jeudi, si je me trompe pas. Aïe, aïe, aïe. Donc il va nous. Je sais pas laquelle. Est-ce qu'il va se déguiser? Tu fais pareil? Moi Oh je oui. parie qu'il se déguise et qu'il va nous Ah faire. je connais à peu près la carte qu'il va révéler, donc je vais rien dire. Ah, de rien dire. Ouais. Mais... J'ai hâte de voir se déguiser dans ce cas-là. Alors, effectivement, en vert, t'as Mother No Best. Ok. ouais, donc n'écoute que moi, N'écoute ouais. que moi, Under the Sea, Voilà, attention. sous l'océan, ça c'est trop Ouais, fort. et t'as quoi d'autre? Bah non, je vois pas Truelle Diablesse. Tu vois pas Cruelle Diablesse? Bah alors c'est peut-être une connerie de ma part. Il me semblait pourtant, j'étais Attends, après, je sais plutôt pas si. sûr. Oh, les Ondins, j'aime les Ondins, ça j'en mettrai tous les jours. Je ne vois. Alors là, sur le site où je suis, je ne vois pas Cruelle Diablesse, tu vois. Enchantress, elle ressort. Parce que... Ah, je l'ai vu pourtant. Mais non, mais c'est possible, hein. Il est peut-être pas à jour celui-là que j'ai. Hein. Parce que moi je le vois... Attends, je vais retrouver. Parce C'est que sur vert. Dreamborn, il y a des mecs qui font des listes, en gros, comme s'ils faisaient une liste de deck, mais avec juste les reprints confirmés. Et il me D'accord. semblait être passé dessus justement pour C'est préparer l'émission de ce possible, mais le soir. site où je suis, je ne l'ai pas. Voilà. Mais c'est possible. Je ne Ouais, l'ai moi pas. je la vois, tu vois. Moi je la vois. Eh ben très bien. Donc du coup, si tu la vois, c'est que c'est bon. Voilà. Je Mais vois. sur le site où je suis, quand je dis, je ne le vois pas. D'accord. Donc, Ok. mais en tout cas, oui, je pense que mon. De toute façon, depuis qu'il y aura plus Merlin Chèvre et sauf s'ils ressortent, mais je pense pas. Et Madame Mime Renard, je pense que je vais laisser mon violet. Tranquillement, voilà, pour me consacrer au vert et au rouge. Voilà. Ouais. Ça va être. Et même en vert rouge, on parle de ça. Alors pas forcément avec rouge, mais en vert. Moi, j'ai vu un objet récemment qui m'a plutôt pas mal convaincu à voir en jeu ce que ça donne. Canne à Souvent les pêche? objets, ouais, la canne à pêche, tout à fait. Quand Souvent tu l'as pas les vu. objets quand on les voit en reveal, on se dit ah putain, ça paraît pas mal ça. Et au final, on se rend compte que c'est jamais joué. Ça m'avait fait l'effet avec le. Il y avait un sceptre, je sais même plus comment il s'appelle. Un sceptre en gros qui disait que avec cet objet-là, toutes tes cartes non ancrables devenaient Ah oui, ancrables. c'est je vois le sceptre, oui, je le vois. Je l'ai eu en Tu temps noir. vois, Oui. voilà. Mais je me suis dit, putain, la carte est vraiment trop bien en vrai. Ouais, bah t'es Mais pas au ancrable, tu final. l'ancres quand même. T'avais pas besoin de Ouais. montrer à l'autre. Alors la canne à pêche, tu l'as bannie pour 1. Tu retournes une carte que tu as retournée dans ta main et tu gagnes de l'or. Ouais, c'est ça. En gros, tu retournes, tu remontes un de tes personnages épuisés de Dans ton ta main. board dans ta main pour gagner 2 de l'or. Ouais, c'est ça. Dieu merci, il n'y a plus les chèvres. Parce que ça, en violet vert, tu gagnais 3 de Quoi? l'or. Là, t'as chèvre. Il n'y a pas tous les violets encore. Il n'y a pas tous les Il y a violets. pas... Ouais, mais non, je pense pas qu'ils remettront la chèvre. Pas tout de Je suite. pense pas. Je Mais il y pense a pas. d'autres persos, il y a d'autres persos qui le font. Hein. Regarde la rose blanche, par exemple, qui est dans les derniers sets. Ouais. Elle gagne un de l'or quand elle arrive. Donc si tu la remontes direct, tu gagnes 3 de Ça l'or. remet, Et ouais. tu peux la reposer pour marquer un quatrième point de l'or juste C'est vrai. derrière. Mais je pense surtout aussi à... Ah mais non, attends. Je te raconte peut-être une connerie, je sais plus quel set c'est. Putain, j'ai du mal avec C'est ça, c'est 5, je terrible. crois. Je crois que Je c'est pense à... 5. Mais moi, je pense à Gogo Tomago. Gogo Tomago. Il me semble que c'est dans les derniers sets aussi. Je sais plus quel set c'est. Merde. 4 ou 5. Parce que Gogo Tomago, c'est pareil. Tu la joues pour 4, tu fais un effet, tu peux gagner, allez, on va dire 3, 4, 5 points de l'or, voire plus. Tu la remontes pour gagner 2 de l'or en plus, ça peut te finir quand même pas mal de games. Complètement. Donc voilà, il y a pas mal de combos avec cet objet qui me semble vraiment pas mal. Donc à voir. À voir. Je suis content aussi du retour du petit Pégase. J'aimais bien le retour du petit Pégase. Et petit Pégase, en plus, il va être très important. Parce que, je sais pas si t'as regardé les Dembo. Non. Mais le Dembo violet, il y a un Dembo violet, je crois que c'est le légendaire d'ailleurs, qui est très intéressant, parce que lui, pareil, il me paraît très... C'est mon deuxième coup de cœur. Donc lui, il est insaisissable. Il coûte 4 ancrables. Et en gros, il te dit, tu peux payer 1, l'incliner, piocher une carte et gagner un point de l'or. Et il te dit aussi, vos autres personnages qui sont insaisissables gagnent cette capacité-là aussi. Donc de payer 1 pour piocher une carte et gagner un de l'or. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer violet et vert, du coup, là. Exactement, tout à fait. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois, après, à voir les personnages. Mais... Et en gros, tu as un autre petit Dembo à 3 qui te dit, quand vous jouez ce personnage, le personnage que vous choisissez gagne... insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Et on a aussi pas mal de personnages après à voir dans d'autres couleurs, mais qui disent, tu sais, par exemple, je pense au. Ça peut être avec gris aussi, peut-être en violet-gris, parce que je pense au. Il y a des balais magiques, il y a joyeux aussi. T'as pas mal de cartes qui disent, tu sais, durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Et en fait, ça peut marcher du coup aussi avec ces personnages. Donc peut-être violet-gris, violet-vert. C'est les deux couleurs que je verrais quand même avec ce Dembo là, qui me paraissent pas mal. Il y a Timothée aussi, du coup, de Dembo, qui te dit que tant que tu as un personnage qui est insaisissable en jeu, ce personnage gagne plus un de l'or. Donc c'est un T2 qui a certes qu'un point de force, mais qui a 4 de volonté. Donc lui, il va être là pour partir à l'aventure. On s'en fout qu'il ait de la force, on veut juste qu'il marque des points de l'or. Donc ça me semble, une fois de plus, c'est sur le papier, ça me semble très intéressant. Et il y avait un item aussi pour accompagner ça, la plume magique, je crois, ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, l'item de la plume magique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la plume. Et tu vois, en gros, quand vous jouez cet objet, je l'ai sous les yeux, quand vous jouez cet objet, choisissez un de vos personnages, et tant que cet objet est en jeu, ce personnage gagne insaisissable. Et tu peux payer 3 d'encre pour remettre l'objet dans ta main. Ouais, ça va être le retour des decks insaisissables, ça, je pense. Et ouais. Si t'as un peu de chanson et un peu d'insaisissable, c'est chaud. Hein. Ben, c'est mais, ça. Ouais. Mais j'espère que ça fera pas comme le deck, tu sais, rouge-bleu, qui va être omniprésent. Et... Voilà. Tu vois, j'espère pas que des cartes qui se retrouvent bannies comme ça, qu'on a pu voir. J'ai peur. Bah, peut-être, hein, peut-être. Parce que Powerline, je trouve quand même bien cheaté, honnêtement. Bah, à voir, hein. En vrai, on n'a pas tous les reveals, donc peut-être qu'il y a d'autres choses, mais après, à voir si vraiment, parce que Ariel, quand tu regardes Ariel du 7-1, on peut trouver ça fort aussi, hein. La meuf, elle regarde les 4 premières cartes de ton deck, tu peux aller piocher une chanson, mais combien de fois, Dieu sait que les joueurs de Stillsong s'arrachent les cheveux, où elles ne trouvent rien, en fait. En fait, si tu veux, Powerline, ça va être fort dans le sens où, dans le monde où, en fait, t'auras déjà une carte... une chanson dans ta main à lui faire chanter, et que en plus parmi les 4 prochaines cartes qu'il va regarder, il y aura une chanson qui plus est intéressante à jouer à l'instant T pour vraiment être forte, quoi. Donc à voir, ça paraît très fort sur le papier, mais parce que même ses stats sont fortes et le fait qu'il marque 2 points de l'or, c'est fort, mais est-ce que son effet va être vraiment si pété que ça? Je ne sais pas. Ton top 3 des cartes. Et ben mon top 3, du coup, en 3, je mettrais justement ce Powerline. Ce Powerline. Je te rejoins, le Powerline. voilà, je le trouve vraiment très fort. Ouais. Ancrable. Ouais. 6-4, 2 de l'or. Ouais. Celle-là, à mon avis, elle va valoir cher sur le marché de la carte. Ouais, je pense aussi. J'ai envie de la mettre un peu avec le Max Goof. En vert, du coup, c'est pour ça que je te dis que je pensais à rouge-vert pour le deck chanson. Parce qu'on a une légendaire verte, qui est Max Goof, qui est Shift 4. Elle coûte 6, mais elle est Shift 4. Et elle te dit, quand ce personnage part à l'aventure, vous pouvez jouer une chanson qui coûte 4 ou moins de votre défausse gratuitement. Et après, tu la mets en dessous de ton deck, au lieu de la remettre dans ta défausse. Donc ça paraît fort. Ah, juste cut, je t'entends plus. C'est bon, tu m'entends. J'ai oublié. Ah merde. Justement, je te dis ta deuxième carte. Ah, bah, alors ma deuxième carte. Ah, alors, si on met pas. Ma deuxième carte, si on met pas Max Goof. Parce ah, que voilà, moi. Celle que tu. Parce que du coup, moi je l'aime bien, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Mais j'aime bien dans le sens où bah, elle synergise vachement bien avec le Powerline. Mais j'aurais envie de mettre la canne à pêche. En vrai, la canne à pêche, je la trouve vraiment sympa. J'aurais cru autre chose. J'aurais cru que tu aurais dit c'est Cercle de la vie, tu sais. Ah, c'est dans les chansons. C'est celle ouais, en fait, ouais. Qui permet de sortir n'importe quel personnage de ta défausse pour jouer gratuitement. Ouais. J'aurais cru que tu aurais dit celle-là, tu vois. Je l'aime bien, mais en fait, vu que c'est pas dans les couleurs que je compte jouer au début, oui, je l'avais pas pris en compte. Tu vois, c'est comme Cruel d'Enfer, pardon. Cruel d'Enfer. La bleue, là, qui est sortie. Qui est sortie en légendaire, elle aussi, je la trouve vachement intéressante, tu vois. Mais une fois de plus, vu que bleu, pour l'instant, c'est pas vraiment des couleurs vers lesquelles je vais m'orienter en début de set, je la considère pas trop. Même si elle est très forte, elle sera jouée, je pense. Elle nous dit, une fois par tour, quand un personnage qui coûte 2 ou moins sera banni, mettez la carte du dessus de votre deck dans votre encre. Face cachée, épuisée. Voilà. Et pendant votre tour, chaque personnage adverse, avec un coup de 2 ou moins, perd 1 de force. Je trouve ça vraiment trop. Je trouve ça vraiment très, très fort, en fait. Enfin, très fort. Peut-être pas, mais je trouve ça vraiment très intéressant, en tout cas. T'aimes bien jouer avec le bleu, toi aussi. T'aimes bien le bleu. J'aime bien, mais c'est pas, je pense. Je vais plutôt m'orienter, je te dis, là, vers du vert violet. Autour du violet. En fait, bah, mon coup de cœur, mon top 1, c'est le Dumbo, du coup, que je t'ai cité. C'est deviné, ouais. Ouais, voilà. Celui-là, je le veux. Dumbo, Powerline. Dembo, ouais. Dembo, ensuite Powerline, et puis pourquoi pas Cruelle Diablesse, ouais. Enfin, Cruelle d'Enfer, pardon. Ouais, mais la Mulan, je l'aime bien aussi. Tu la peux Mulan. Pas faire trois couleurs, c'est mort. Non, je peux pas. Ou alors, faut jouer en super scellé et réussir à avoir les trois cartes. C'est ça, réussir à avoir les trois cartes. Alors, quelle est vers la couleur tu vas aller, tu penses? Je pense que dans un premier temps, je me concentrerai sur deux decks. Un deck que j'estimerais plus fun à jouer, donc pourquoi pas à tester en boutique au début. Donc le deck chanson avec Powerline, justement. Donc à voir si rouge-vert, ou pour moi rouge-vert, ce sera vraiment trop fort pour jouer avec Max Goof et tout. Enfin voilà, c'est trop fort. Et sinon, pour un deck un peu plus compétitif, je resterai sûrement sur du violet vert, que j'ai beaucoup joué aussi cette saison. J'hésite aussi, violet vert. J'adore, en fait. J'ai du mal à passer autre chose que violet vert. C'est difficile. Et pourquoi pas violet rouge aussi, tu vois. Violet rouge, j'aimerais bien tenter un truc, tu vois, un peu déplacement de dégâts. Ah non, Powerline, il rentrera pas. Il rentrera pas dedans, mais. Un truc, tu sais, un peu à la déplacement de dégâts avec les cartes qu'on a vu apparaître là sur ce set. Les Médusas, les Belles, la Belle qui a été rééditée, la Belle Alter, là, qui déplace les dégâts. Voilà, des choses comme ça, qui peut-être peuvent être intéressantes à jouer, je sais pas. Mais je pense que je me consacrerai au violet-vert au début, et puis le deck chanson rouge, avec, bah, comme je t'ai dit, du vert. Ouais, je pense. Ouais, rouge-vert. Rouge-vert, ouais. Ça m'attire quand même. Le rouge vert, est-ce que tu peux défausser facilement, contrôler la table, etc. Donc, c'est avec Powerline. Donc, ouais, et pour le fun, je testerai aussi, tu sais, la chanson qui coûte 9 là, à l'unisson, rouge. Merde, j'ai perdu le nom. Tu vois laquelle je veux dire? Oui. Celle-là peut être marrante aussi à jouer. C'est Pirate for Life, c'est ça? Non, la nouvelle là, la nouvelle de... Ah, putain, j'ai perdu son nom. C'est une chanson dont. En trois lettres, je crois, ou bien j'ai plus la rêve du film en tête, en plus, c'est terrible. Bon, bah, les gens la retrouveront, mais je vois laquelle que tu veux dire. Je vois laquelle. Parce que je crois que c'est, je sais plus si c'est I2I 121 ou si c'est pas si 121, je crois. Elle n'est pas sur Runeborn, je la vois pas. 121 ou L2L, je sais plus, un truc comme, je sais plus si c'est des 1 ou j'ai plus la rêve du film. Peut-être que ça se dit 121 ou peut-être que ça se dit L2L ou I2I, je sais plus. Mais pour moi, c'est 121, je pense. Mais en gros, la carte, c'est une à l'unisson de 9. Et putain, je l'ai vu hier. Et en gros, je crois que les joueurs piochent 2 cartes et gagnent 2 de l'or. Parce que je crois que c'est dit each player, donc ça veut dire que chaque joueur, donc les deux joueurs, piochent deux cartes et gagnent deux de l'or. Et si deux ou plus personnages ont été utilisés pour chanter cette chanson, on peut les redresser. Par contre, ils peuvent pas repartir à l'aventure pour le reste de, pour le reste du tour. Voilà. Mais au moins, ils chantent et ils peuvent rechanter, en fait. Parce que dans l'idée, ils peuvent pas être réinclinés pour quêter, mais ils peuvent être réinclinés pour chanter. Donc rien ne t'empêche, même si ton powerline qui est Méloman 9, eh bien, il chante cette chanson-là avec un T1, par exemple. Ça, c'est possible, je pense. Et en fait, tu peux le redresser, faire l'effet du powerline, essayer d'aller tuto une chanson au-dessus de ton deck, la jouer gratuitement et rejouer une chanson avec le powerline derrière, si t'en as une autre, pour refaire une deuxième fois l'effet et regagner du lore. C'est pour ça que mon ami, dès que chanson, ça va sortir. Parce que t'imagines, avec ça, la vie de pirate, tu gagnes 2 de l'or, 4 de l'or, tu rejoues le truc. Oh, c'est tout ça, n'en finit plus. Ensuite, tu joues l'autre qui joue une chanson de ta défausse, tu recommences. Oh, c'est l'enfer. Quelle couleur de deck tu ne vois pas percer? Moi, c'est plutôt violet-gris, j'ai du mal à le voir percer. Que je vois pas percer. Violet-gris, je ne le vois pas. Violet-gris, ça a toujours été une bonne bicolorité. Mais, Mais là, j'ai l'impression qu'elle va être un peu abandonnée, là, tu vois. Je pense que ouais, le rouge et le violet, ça revient en force. Donc jaune-vert, j'aimerais beaucoup jaune-vert qui perce, mais j'ai du mal à y croire. Shanadog, il est fini, là. Ouais, il avait déjà du mal à exister. Hein. Le problème du deck, c'était en fait la grosse 6 sous, la 6 sous Alter, qui disparaît d'ailleurs, pour l'instant. Oui, il reste la petite 6 sous, elle m'embête pas. C'est vraiment l'Alter qui m'embêtait. Bah évidemment, soyez prête, mais ça, après, c'est autre chose, c'est normal. On pouvait l'enlever avec Ursula, donc c'était pas trop non plus... Là, je pense que là, les Ursula, elles vont être indispensables, et aussi tout ce qui est baissons le levier, tu sais. Ouais. Et ça va être... Passe le levier là et abaisser le levier, ouais. Ça, là, ils vont être importants pour enlever les powerlines et tout. Mais là, c'est un peu tôt, c'est difficile de prévoir la méta, ouais. Mais peut-être que tu as des decks un peu qui ont toujours été un peu en dessous. Ouais. Par exemple, du jaune-bleu... des choses comme ça, du vert bleu, c'est des decks qui commencent un petit peu, tu sais, qui grattent le rouge-gris, qui grattent un petit peu à chaque set à gagner en popularité, mais qui n'arrivent pas vraiment à s'imposer dans la méta. J'ai joué aussi, hein, ces couleurs-là. C'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais. Des decks qui sont très faciles à jouer, et celui-là... Le vert bleu, quand même, a réussi à se faire une petite place. Le rouge gris pas du tout, même si j'aimerais beaucoup. Là, j'ai un espoir avec la Mulan Archer qui revient. On a des il y a des bonnes armes, mais le rouge gris mouchou, ouais, c'est ça exactement. Mais il manquait cruellement de pioche malgré le rêve bleu. Enfin, c'était pas des bonnes, non, c'était trop compliqué. Ça s'essoufflait trop vite. Est-ce que tu es content de ce set, le 9, ouais, qui va arriver? Oui, est-ce que tu es content? Est-ce qu'il t'a mis en appétit? T'avais une certaine hâte, comme Gaëtan la dernière fois, vous aviez hâte qu'il arrive, etc. Mmh. Et j'ai cette impression que cette hâte, elle est un peu... Voilà, elle est un peu moindre à t'écouter. Alors, en fait, ce qui est très impactant, surtout, c'est le ratio de cartes réimprimées avec le ratio de nouvelles cartes, si tu veux. Pour info, 170 cartes réimprimées, c'est ça? 171 du coup. 71, pardon. Et puis. Et 33 nouvelles, ouais, pour faire les 204 cartes du set. L'âge du Christ. Voilà. Max Verstappen aussi, à l'ancienne, pour les férus de Formule 1. C'est ça. Oui, non plus, oui. Ou l'Expédition 33 pour ceux qui aiment Clair-Obscur récemment aussi. Il y a plein de choses, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Dans l'idée, j'aime bien parce que t'as aussi tout ce côté, tu sais, nouvelle rareté qui arrive dans le set, rotation qui arrive avec le set. Donc t'as quand même pas mal de changements qui, au-delà des cartes, t'as pas mal d'à côté qui complètent, selon moi, justement, enfin qui viennent un peu sauver le fait qu'il y ait que 33 nouvelles cartes. Il y a pas mal d'à côté qui viennent soutenir ça. Donc j'aime bien quand même. Dans l'idée, dans la globalité, j'aime bien. Je suis assez curieux de ce set. Au-delà de, enfin, pas vraiment hype, mais plus curieux de voir comment ça va évoluer, comment ça va faire évoluer le jeu. Le prix des cartes iconiques, épiques, tout ça, je suis curieux de voir un peu comment ça va chiffrer ces cartes là, ces nouvelles raretés là. Va vendre. Et... ah bah écoute, ça coûte cher le TCG, hein. Faut revendre au maximum si on veut pouvoir continuer d'acheter. Mais ouais, voilà, c'est plus dans ce sens là, ouais, que ça m'intéresse. C'est vraiment la rotation qui m'intrigue, en fait. Voir une nouvelle méta émerger. Ouais, voir... mais tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment une grosse rotation du fait qu'en fait, quand t'as 170 cartes qui sont réprimées... Ah bah, tu te rends compte quand même, t'as quand même... quand tu fais le calcul, à 204 cartes par 7, on arrive au... on était au 7-8. Quand même, ça fait pas mal qui disparaissent, au-delà de beaucoup qui reviennent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, mais le truc, c'est que ça... Comme tu dis, ce qui me gêne, c'est le ratio. C'est-à-dire qu'en fait, là oui. où tu pouvais commander 4 displays ou 3 ou une case, peu importe, bah là, t'as envie de moins en acheter, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ben, t'as un calasseur avec déjà tes cartes. Bah, c'est ça, coup, ouais. Ben, tu te dis, bon, ben voilà. Parce que moi, ce que je te disais, j'ai l'habitude d'acheter 4 displays, et puis là, bah, du coup, j'en ai commandé que 2. Parce que j'ai ouais, pas non, mais ça, de tirer. Enfin, ça, je comprends. Hein. 33 cartes. Autant les ouais. acheter. Hein. Pour, moins problème, cher. Pour moi, les collectionneurs, même les collectionneurs, en fait, vont peut-être. Là où ils peuvent un peu criser. Et ce qui est tout à fait louable, c'est que bah, les illustrations des reprints ne changent pas, en fait. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent même une nouvelle illustration de la carte, que la carte garde son nom et son sous-nom, tu vois, vraiment que rien ne change, à part l'illustration. Ça aurait peut-être donné peut-être un petit côté plus attrayant, pour même si c'est reprint, te dire, bah, c'est pas vraiment la même carte, puisque l'illustration change. Donc ça aurait pu ravir les collectionneurs. Maintenant, je pense que là, même les collectionneurs vont être refroidis un petit peu, dans le sens où, bah, à part le petit 7-9 estampillé en dessous, il n'y aura pas grand-chose qui va changer sur la carte. Enfin, je veux dire, même si des cartes reviennent sous forme iconique, enfin voilà. Bon, ça me paraît un peu léger pour. Tu te rends compte que les collectionneurs, en fait, s'ils collectionnent, c'est juste parce qu'il y a un chiffre qui disparaît, quoi. Bah. C'est juste un chiffre 9 en bas à gauche. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Hein. C'est vrai. Et pourtant, il y a eu une réédition d'une carte. Je crois que c'est Captain Crochet, avec un nouveau Captain Crochet. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, elle devait être sur... Et un chiot. Et un chiot. Chiot. Et ouais. Pourquoi est-ce que ça coûte... Enfin, bah, j'y ai cru, tu vois, quand je voyais le crochet et tout, machin. Puis après, on a vu la Elsa aussi. On a vu la Elsa du 7-1 qui était exactement le même dessin. Je me dis, ah, là, dommage. Et puis après, bah, au fur et à mesure des reveals, on a vu que les illustrations restaient les mêmes, finalement. Donc, ouais, c'est un peu dommage, ça, quand même. Est-ce que tu trouves que c'est un... C'est tout bête, parce que, bon, moi, j'en suis pas très content, comme tu le sais, mais le truc, est-ce que... Moi, je trouve qu'il... J'ai l'impression que ces nouvelles cartes, elles sont totalement déséquilibrées. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a des très, très fortes ou des pas fortes du tout. J'arrive pas à voir des cartes avec un juste milieu, entre guillemets. Quand tu vois la Powerline qui a l'air super puissante... Après, ça veut rien dire, comme tu dis... On a déjà vu des sets où il y avait des cartes super puissantes que tout le monde attendait. Au final, ça a fait un flop. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que c'est un set qui est déséquilibré en matière des nouvelles. Coucou, geyser d'encre. Mais, oui. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Dans le sens où, bah, comme on l'a souligné, il n'y a que 33 nouvelles cartes. Tu ne peux pas te permettre, je pense, de faire, parmi ces 33 nouvelles cartes, un ratio de... pas ouf, un ratio de bof et un ratio de forte et un ratio de quelques-unes de très fortes. En fait, 33 cartes, c'est trop léger pour faire ça. Et je pense que s'ils veulent vraiment que leur nouvelle carte soit jouée, bah, faut qu'ils les mettent fortes, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ouais, mais quand je pense que pour moi, ils sont obligés de marquer le coup. C'est et une fois de plus, je pense que là, nous, ça nous paraît fort, comme pas mal de cartes à chaque fois qu'on voit les reveals. Mais qui seront peut-être pas si fortes que ça au final quand on les jouera. Le geyser d'encre, par exemple, qui on attendait super. Voilà, c'est ça. Le geyser d'encre, moi le premier, je voyais ça vraiment très fort. Et en fait, force est de constater que bah, il se plaçait plutôt mal dans la méta et que ça pouvait être très lourd en main par moment. Donc, bah. Voilà, ça a été vite laissé de côté, mais à voir. À voir ce 7-9. Mais j'ai pas l'impression que ce soit des cartes qui vont durer. Bah, par définition, ce seront. Bah, en fait, ce qui est bien. C'est que là, du coup... Attends, que je calcule bien, mais... Ce qui serait bien, et ça va peut-être faire une transition pour le prochain sujet, c'est que ce 7-10 qui va arriver, ce soit que des nouvelles cartes. Et ça... Ah bah, j'espère. J'espère qu'ils vont pas s'amuser à faire des rééditions à chaque set. Non, non, ce sera un enfer. Non, non, pitié. Non, on n'a pas envie de ça. Recherche, je vais introduire le 7-10... Donc le 7-10, lors de la Gen Con 2025 et Indianapolis, Ravensburger a levé le voile sur cette extension donc qui s'appelle Lueur dans les profondeurs, voilà, qui est prévu le 7 novembre 2025 en avant-première. On a carrément une extension qui prévoit une nouvelle catégorie de Glimmers, voilà. Notamment les détectives. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu. Oh. Il y a plein de détectives. Très rapidement, mais ouais. Il y a Judy Hobbs et Nick White qui reviennent à l'honneur dans Zootopie. Hein. Trop bien. Il y aura du Basil, ça veut dire. Pitié. Bah ouais. Et puis peut-être qu'on va revoir la reprint, la carte Mickey Mouse détective, tu sais. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui est assez drôle, je sais pas si c'est fait exprès, mais vu qu'ils ressortent des nouvelles cartes Zootopie, Zootopie 2, ça sort à peu près à la même période. Ouais, bah généralement. Hein. Généralement, c'est réfléchi, ces choses-là. Hein. Tout à fait, c'est réfléchi. Peut-être des nouveaux lieux aussi, on verra. Bref, pour dire, c'est qu'en fait, ce sont les détectives qui sont à l'honneur. Et puis, on a deux univers, donc on avait déjà parlé, les Gargoyles, voilà. Les Anges de la Nuit qui fait son entrée. Voilà. Et bien sûr, Taram et le Chaudron Magique. Ouais. Donc, classique Disney. Un peu sombre, voilà, une sorte de Seigneur des Anneaux un peu raté même, voilà, de bon, c'est ton avis. Oui, c'est vrai. Ça n'engage que toi. C'est toi Gaëtan qui avait dit qu'il aime bien, je sais plus si c'était toi. Moi j'aimais bien. T'aimais bien, ouais. Mais je crois que Gaëtan aussi aime bien, ouais. Ouais, je crois aussi, ouais. Mais Gargoyle j'aimais bien aussi quand j'étais jeune. J'ai très peu vu, c'était plus ma sœur qui regardait. C'est vrai. Bah pourtant c'était pas mal, hein. J'aimais bien regarder. Mais on n'a pas le même âge. Hein. Ouais. Désolé de lâcher ça comme ça. Merci mais... de le rappeler. Merci de le rappeler. Voilà. Donc, j'ai eu quelques images des nouvelles cartes. Voilà, donc on a eu une carte action grise. Je sais pas si tu les as vues. Non, je t'avoue que j'ai du mal à regarder les reveals. Il y en a pas eu beaucoup, il y en a 3-4. Putting It All Together, qui est une action où tu choisis un joueur adverse que tu ne peux pas te défier pendant ton prochain tour et tu peux piocher une carte. D'accord. Pas mal. De la pioche en gris, du coup, c'est pas mal. Ouais, la pioche en gris pour deux d'encre et c'est encre. Ça peut être okay. Pas mal. Tu vois, justement, comme disait tout à l'heure, le Mulan, vu que ça ne pioche pas, cette carte-là, c'est ça. Elle peut être pas mal. Carte-là peut rentrer, ouais. Elle peut rentrer et puis en plus, tu sais, ça impose à l'autre d'avoir une carte qui, comment dire... qui va devoir faire combattant et qui pourra pas qui ne pourra pas pas partir à l'aventure. Donc c'est ça. Ça peut être pas mal non plus. Et qui sera obligé de défier surtout parce que y a pas mal oui. De tu pourras de combattant tu es obligé de défier. Question. C'est-à-dire que oui, question. Réponse. Je sais pas si t'es judge, je sais pas. On m'a fait un truc, je sais pas. Sans doute j'ai dit qu'il avait le droit. Je pense. Ah. J'avais mis une carte. Attention, ça permettra aux gens qui ont la même difficulté que moi. C'est peut-être tout bête comme situation, mais voilà. J'ai mis une carte comme quoi, en face, mon adversaire ne pouvait pas l'aurer, il ne pouvait que faire combattant. Ok. Et il a fait une chanson avec. Il peut ou pas ? Il a le droit. Il a le droit. En gros, ton personnage... Je savais qu'il avait raison, mais tous les deux, on avait un doute. S'il avait le droit. En gros... C'est marqué qu'il peut défier, tu vois. Et je me suis dit... Et lui aussi dit, il dit bon, je voudrais jouer une chanson avec. Tu crois que je peux ? Et je lui dis ben, c'est marqué combattant peut défier si tu peux, mais c'est marqué si tu peux. Donc du coup, je me suis dit si t'as pas de chanson, t'as pas le choix, c'est sûr. Donc je lui dis écoute, tu peux faire la chanson. Alors pour t'expliquer, en gros, le combattant, quand tu mets combattant à quelqu'un, il est en gros, je ne connais plus le terme exact, mais en gros, c'est ce personnage. Alors, non, charge, c'est ce personnage peut défier le tour où il est joué. Et combattant, en gros, c'est-à-dire que le personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et il doit défier s'il le peut. À aucun moment, en gros, il est dit qu'il ne peut pas être épuisé pour faire autre chose. Oui, c'est ça. Donc, il a en gros, tu ne peux pas l'épuiser pour partir à l'aventure. Tu es obligé de défier, mais s'il a chanté. Le personnage devient épuisé, du coup, ne peut plus défier. Mais il a le droit, du coup, il a totalement le droit d'utiliser son personnage pour chanter une chanson, pour éviter justement de devoir aller s'empaler sur un personnage adverse. Ouais. Oui, bah, du coup, je suis content qu'on ait eu raison tous les deux parce qu'il pouvait. Tu vois. Deuxième carte qui a été révélée, une carte grise encore, Nick White, un détective persistant, on va dire ça. Attention, tiens-toi bien, 5, mais pas ancrable. During your turn, donc durant ton tour, quand tu as un détective personnage qui, durant ton tour, lorsque un de tes personnages détectives est banni, un autre, et ben tu peux piocher. Lorsque ton personnage détective en bannit un autre. Lorsque un de tes personnages détectives en bannit un autre lors d'un défi, tu peux piocher une carte. Piocher une carte, encore du vert où tu peux piocher, tu vois. Ouais, mais il y a le mot détective qui me fait un peu chier là-dedans. Ouais, je pense que c'est pour avoir une. En plus, c'est un autre, c'est bien marqué other caractère. Ouais. Ouais, donc en plus. C'est pas marqué un caractère détective en particulier, c'est n'importe lequel, tu vois. Donc c'est pas lui-même, en fait, lui ça ne marche pas, c'est un autre. Non. Donc voilà, déjà ça demande un setup. Ça demande un setup déjà d'avoir deux cartes, et en plus faut que cette deuxième carte ait le trait détective. Et en plus faut qu'elle bannisse. Oui. Donc chiant. T'as trois conditions pour devoir piocher une carte, si tu veux. Donc dans l'idée, ça me paraît pas ouf. Et en plus, si tu me dis que la carte est non ancrable. Oui, mais il y a 2 l'or et 5 4. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais non ancrable. Est-ce que pour 5 non ancrables, t'auras pas mieux à jouer qu'une 5-4 qui l'aura 2? Bon. Je ne sais pas. Troisième carte qui a été variée, c'est une carte bleue cette fois-ci. Judy Hopes. J'ai l'impression que ça va être le 7 des bleus, tu vois. Encore 7-9, je trouve très bleu, tu vois. Mais Bah, y a Cruella d'enfer qui est pas mal. Donc, j'ai pas trop regardé le reste. Uncovering Clues. Alors, ça doit être Clues, c'est indice. Donc, ça va être. Indice découvert ou pas découvert, bref. Quand tu joues ce joueur, ce caractère, donc ce personnage, et que tu l'envoies en quête, when you play this character and whenever she quests. Donc si tu la joues et quand elle quête, regarde les trois cartes de ton deck. Tout premier. Si tu révèles un personnage détective, tu peux le mettre dans ta main et le reste, tu le mets en dessous de ton deck. Encore une fois, détective. Ouais, en fait, c'est le problème que j'ai avec ces cartes-là qui reposent sur des mots, sur des traits, en fait, tu vois, par un trait détective. Comme pirate, c'est un peu le trait pirate. Ouais, comme pirate, comme on a eu avec les sept nains, les Blanche-Neige, avec les mousquetaires, voilà, ou même, tu sais, avec Elsa, la Reine des Neiges, quoi, avec Elsa et Anna, t'as beaucoup les deux cartes qui disent, hop, si t'as un personnage Anna en jeu, fais tel effet, si t'as un personnage Elsa en jeu, fais tel effet, les héros, les princesses, la princesse reine, les méchants, les vilains, là. Enfin voilà, t'as plein de cartes comme ça qui ont essayé en fait de faire construire des decks autour d'un trait de personnage, donc méchant, héros, que sais-je, prince, reine, etc. Mais qui ne marchait pas en fait, parce que ça repose sur un trait de personnage et c'est pas le mieux dans l'arcana pour l'instant. Quoi. Ouais, mais bon après ça peut être. Ça peut être intéressant, cette mécanique quand même des détectives, parce que tu as beaucoup qui jouent les decks pirates. J'en ai rencontré certains, decks mousquetaires, si vous jouez des détectives, voilà. Mais j'ai l'impression que si tu joues un deck détective, tu n'as pas le choix de te faire jouer en bleu-gris, tu vois. À voir, les reveals qui accompagneront ça. Mais faudrait voir ça, ouais. Sachant qu'il est deux decks de démarrage, il y en a un qui a l'air d'être très détective, notamment le deck Judy Hopes avec Robin Desbois. À voir. D'accord. On verra bien. Écoute, on en fera un. Je pense qu'on va en savoir plus au fur et à mesure du temps. En tout cas, j'espère quand même qu'il y aura plus de nouvelles cartes que voilà, pas trop de reprints, s'il vous plaît. Ça serait pas mal. Non, mais pour moi, il n'y en aura même pas du tout. Hein, je pense. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il, comme tu dis, c'est un deck de transition. Ils vont reprint beaucoup. Et voilà, c'est bon, c'est fait. On a reprint pas mal. Et puis, ouais, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. C'est, en gros, on dégage tout. On dégage toutes les cartes. Donc les 1500 en plus cartes qu'ils ont sorties là. On les enlève et puis on remet celles avec lesquelles on veut que vous continuez à jouer. Voilà. Là, on rajoute ça. Voilà, ça, c'est votre base pour continuer à jouer à l'Orcana. Et pour après, on repart sur. Pour un an. Et puis après. Voilà. Et après, quand on fera une rotation, et ben, du coup, ça sera à nous. Exactement. Voilà, il faut se dire en fait que les cartes de cette extension-là, c'est celles qui vont durer pour l'instant le plus longtemps dans le jeu. Puisque la prochaine rotation ne les impactera pas, je crois, normalement. Parce que là, c'est. Attends, je sais même plus, c'est 1-4 hein, qu'on ne peut plus utiliser. Ouais. Et du coup, on devrait partir de. On devrait après enlever de 5 à 8. Ouf. Donc les cartes ouf, du 7-9. Et mon génie sont toujours là. Donc ça me va. Ça me va, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Petite question, ils ont révélé aussi les puzzles. Voilà. Est-ce oui, j'ai vu. Est-ce que tu veux faire des puzzles? Ouais, en vrai, grave. En vrai, grave. Là, j'ai vu, je me suis lancé là en live à faire un. J'ai un fait Lego. Lego AA. Oui. Ah là là, je me suis trop amusé à faire ça. Et en vrai, je me dis pourquoi pas faire du puzzle. Sachez qu'il a pris le Lego de son fils. Hein. Son fils était en pleurs après. Bien sûr. Non, pas de pitié. Pas de pitié. Le fun d'abord. Mais en vrai, les Lego me chauffent. Pardon, pas les Lego, mais les puzzles me chaufferaient bien. Ouais. J'en ai déjà. Je les trouve jolis. Et en plus de ça, je les trouve jolis. Vous pouvez déjà les commander, les decks. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais les personnages qui sont sur les puzzles, ce sont les personnages reprint. Oui. Ah non, j'ai pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe à ça ? Non. Bah, ah, maintenant que tu le dis, oui, il y a le génie. Je pense au violet, je pense que j'ai vu le génie. J'ai vu le rouge, il y a la maléfique dragon, en gros. Il y a le Shere Khan de mémoire. Il y a le... Je sais plus qui est... Il y a la réponse rouge, là. Non, tu vas en faire ? Ah ouais, je vais en faire, c'est sûr. Ouais, moi, pour l'instant, je pense que je vais me prendre le... Pour commencer, c'est 1000 pièces, je crois, les puzzles. C'est 1000 pièces, ouais. 1000 pièces, voilà. Je suis pas non plus un gros féru de puzzle. Tu vas te faire aider par des enfants Madame, t'as aidé. Quand même, 1000 pièces, c'est long. Peu, ils sont encore un peu jeunes. Ouais, ils sont encore... Non, mais 1000 pièces, c'est long, mais à faire en live, tranquillement, en discutant avec les gens, le temps passe vite, tu vois. Oui. Et puis, t'es pas obligé de le faire en une fois. Tu peux dire, hop, là, je m'arrête. Voilà. Ça fait revenir les gens. Les gens vont venir voir le puzzle évoluer, tu vois. Voilà, c'est ça. Pire, c'est mais non, je... un Lego en même temps. Oh là, alors là. Là, t'es chaud, là. Je fais 20 minutes puzzle, 20 minutes Lego. Terrible. 20 minutes non, je pense... de gaming. Je pense faire le rouge et le bleu en premier, je pense. Ouais. Et après, on verra. Peut-être le violet et le vert. J'étais sur le violet. Ouais. Okay. En tout cas, ils sont tous beaux, en vrai. Stéphane de l'Orcana, je trouve que c'est une bonne idée de faire des puzzles Ravensburger. Bien sûr. Ça peut être sympa. Voilà. C'est mieux que de les mettre à la fin des boosters. Oui, tout à fait. Bah, tu vois, il a pu nous parler des puzzles, même pas. On ne sait pas s'il va vouloir faire des puzzles. Bah ouais, traître. Terrible. Traître. On entend Gaëtan, traître. Chien, voilà. Même. Je dirais chien. Bon, eh bien, écoutez, merci. 1h10 quand même pour parler de l'Arcana, c'est magnifique. C'est sublime. C'est plaisir. On a fait plus, hein. On a fait plus. On a déjà fait plus, oui. Oui, mais c'est-à-dire que là, on est déjà en vacances. Et puis deux, là, sur le 7-9, on n'a pas trop de méta, on n'a pas... Voilà. Bien sûr, il y a un peu moins de choses à dire. Il y a un peu moins de choses à dire. Donc, on en saura plus sur le 7-10, je pense. Tu auras peut-être fait quelques puzzles pour nous les montrer aussi. Oh oui, avec grand plaisir. Puis, c'est un podcast de transition, finalement, aussi, comme ça, le 7 qui va sortir. C'est ça. Eh bien, écoute, c'est très bien. On va l'appeler le podcast de transition. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Super. Voilà, et bah, je pense que début... Quand le 7-9 sera sorti avec les premières méta, Gaëtan, il n'a pas le choix. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il nous explique ses méta. Voilà. Ah là là. Et toi aussi, tu as des méta qui t'intéressent particulièrement. Bah, bien sûr. Voilà. Eh bien, merci. Merci à toi, alors, Cadiz. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation une nouvelle fois. Toujours un plaisir de venir parler de l'Arcana. C'est gentil. C'est sublime. C'est la vie, tout le monde sait. Voilà. Question, actualité pour toi, donc toujours sur Twitch. Toujours sur Twitch. Donc, du gaming. Du gaming, là, sur ma chaîne perso, ouais. Donc, sur l'Orcadis sur Twitch, toujours. Toujours. Un petit peu de création de contenu, de réel, de choses comme ça sur Instagram. Et puis, bah voilà, on y va. Hein. Bah oui, et puis, tu montes des Lego, du coup. Donc, on n'a pas que du gaming. Je fais aussi des Lego. Il n'y a pas que du gaming. J'essaye un peu de diversifier tout ça. J'essaye un peu de quand même rester dans la sphère Disney dans la mesure du possible. J'ai cru apercevoir une petite ouverture traître de Pokémon. Alors, sur l'application mobile, ouais. Voilà. Sur Pokémon TCGP, là, ouais. T'as fait une infidélité. Ah, bah, c'était sorti de nouveau set. J'avais des sabliers à craquer. Écoute, écoute. On y allait. J'ai vu. Voilà. T'as prévu, du coup, Mulligan TV, t'as fini ton tournoi, je suppose ? J'ai fini ma saison, ouais. Alors, ouais, ça monte ou ça descend, le gars ? Ça descend, là. Terrible. Mais ça joue à rien. Hein, parce que, entre la relégation et la promotion. Il doit y avoir deux victoires, je crois, d'écart. Ouais, et du coup, tu descends très quoi, Division 3, du coup. J'étais en division 2, là. Je descends en division 3. Mon Dieu. Que veux-tu ? T'as pas soudoyé un petit peu pour... même pas. Non, j'ai réfléchi. Je me suis dit, allez, je descends. Ça peut être le meilleur moyen pour me retrouver en play-off derrière. tu sais, c'est malin. Que... C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Tu sais que comment... Il y en a qui sont descendus par moi, je suis le dernier. Je reste bien aussi, je suis très bien. En même temps, c'est ma première fois, donc du coup, voilà. Mais bien sûr, non, et puis il n'y a pas de honte à ça, ça te fait du volume de jeu avec des très bons joueurs. Oui, et puis pour ceux qui sont papas comme moi d'enfants, comme Baptiste et moi. Présent, oui. Et que vous ne pouvez pas aller en boutique, etc. Eh bien, ça fait plaisir de faire en remote. Voilà. Tout à fait, ouais. C'est vrai que la remote, pour le coup, c'est... Ouais. C'est vraiment pas mal quand tu peux pas vraiment sortir de chez toi ou que t'as pas le temps forcément. Quand même, j'ai pas la même pression qu'en boutique. C'était... Il manque un petit truc, tu vois. Ouais, mais moi j'ai pas la même concentration par contre. Ouais, tu vois. Je fais plus d'erreurs quand je joue en remote que quand je joue en boutique. Ah bah, tu vois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que j'ai fait des trucs. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça alors que je suis jamais sans boutique? Ouais, tu te sens pousser des ailes à la maison. Ouais, tu joues des trucs que tu jouerais jamais d'habitude. Et même en face, ils disent, mais pourquoi t'as fait ça? T'avais mieux? Oh, c'est bon. Eh oh, oh. Oh, écoute, c'est bon. Laisse-moi jouer. Non déjà que tu gagnes, t'es pas obligé de me dire que j'ai mal joué aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas la même pression. Donc, mais au moins, ça te permet de tester des decks. Voilà. Et puis ça te permet aussi de d'entretenir, on va dire, le game. Voilà. Oui, c'est ça, garder un volume de jeu pour pas non plus perdre vraiment le contact du jeu et de devoir t'y remettre charbonné super dur pour les championnats de 7. Et quelque d'ailleurs, chose que j'ai appris... Championnat de 7, le prochain, moi je veux le tapis. Hein. Je sais pas si t'as vu le tapis, mais... Non, j'ai pas vu, c'est quoi? Maléfique Dragon. Ah oui, ils ont déjà, ils ont déjà tout montré, le tapis et tout. Et d'ailleurs, chose qu'on n'a pas parlé... Je sais pas si t'as vu, vas-y, mais ils ont fait le teasing d'un set avec l'arrivée de Toy Story aussi. Ah ouais? T'as pas vu ça? Mais non. Attends, regardez. Ah bah alors là. C'est vrai que t'attends Pixar avec impatience, toi. Ah bah moi, j'attends Pixar en Cars et Toy Story. Et là, Toy Story va arriver. Non mais Cars, alors, moi je veux, j'achète. Je crois que c'est cette 12. Je crois... Non, pas un tapis de Toy Story. Non, t'enflamme pas. Ah, remarque, en vrai... Qu'est-ce que je en marque vrai, tu marques l'Orcana Toy Story, l'Orcana Pixar, je ne sais pas. Je crois que c'est 7-12, il me semble. Ils ont déjà fait arriver sur le 7-12. 7-12 ou 11. Je crois que c'est Q2. Ils ont mis Q2. Moi, j'ai un truc. C'est pas là où Woody, il montre... Exactement, tout à fait. Je crois que c'est le seul visuel qu'on a. Il montre, il y a Pixar après. Bam, Pixar. Ah oui. Ils ont mis un visuel en convention, là. En conférence, pardon. Oui. Un visuel Disney Arcana avec marqué Pixar, en gros. Il y a l'annonce de la Disney Arcana et boum, il y a le visuel sous les yeux. Oh la vache. Il monte du doigt. C'est pas très poli, mais... Mais bon. Il montre une plante. Alors, est-ce que Zurg ne serait pas le grand méchant de ce set? Une plante. Une mauvaise herbe. Non, mais en vrai, je suis trop hype par ça. Pixar arriver. Pixar, c'est toutes mes licences préférées de Disney, alors ça me hype de ouf. Oh, arrête, m'en parle. J'ai vu le dernier. Comment il s'appelle? Elio. Oh, bah, ouais, j'ai fini. Enfin, ouais. Elio, j'ai plein de. Bon, c'est pas le thème du podcast, mais j'ai plein de. Mais j'ai pas aimé. J'ai plein d'avis différents. Ouais, j'ai des avis comme toi qui me disent, oh, c'est nul et tout. Et j'en ai d'autres qui me disent, putain, en vrai, c'était vraiment bien. Mes filles ont beaucoup aimé. Bah, voilà. Et j'ai un pote, il m'a dit, en gros, que ça lui a beaucoup fait penser à Coco. Moi, personnellement, je l'ai pas vu. Mais j'ai un pote, il m'a dit, ça m'a fait penser quand même pas mal à Coco. Ah ouais, oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Tiens, je me suis posé la question, j'ai vu là, pour... Bon, on clôture pas tout de suite, on va continuer. Ça va faire 2 heures, ça va finalement faire 2 heures. J'ai vu que, alors je sais pas, ce reveal-là avec Angel et Stitch, c'est vrai ou pas ça? Est-ce qu'il y a un reveal Angel et Stitch là que j'ai sous les yeux? Oula. Où t'as Stitch, regarde, si tu tapes, il fait du surf, Stitch. Oula. Et c'est dans le même article avec. Donc, c'est chapitre 11. Il s'appelle. Winter Spell. Ah, Stitch qui fait du snowboard, là? Ouais. C'est une officielle ou pas? En plus, tout au fond, tu vois l'illuminarium. Ça a l'air d'être officiel. Ça peut être officiel, hein? Bah, ça peut, parce que ça, du moins, ça ressemble. Ce chapitre 11 s'appellera Winter Spell? Winter Spell, parce que la chapitre 11 donc ça a l'air d'être. Ça a l'air de... Tu vois? Ça a l'air d'être de la neige, hein, du sport d'hiver. Attends, je crois que c'est l'image officielle, parce qu'il y a écrit. On a également eu la révélation à la Gen Con de la première image Winter Spell. On y voit Stitch faisant du snowboard sur une montagne enneigée. Et Angel lui est en train de lui lancer une boule de neige. Voilà. Donc, à mon avis, il y a des traces de pas assez étranges d'ailleurs. Et là, je viens de voir sur l'article que je lis d'ailleurs, pour revenir un peu en arrière avec les puzzles. Mais dans chaque boîte de puzzle, il y aura une carte promo de Mickey. Non. Si. C'est une carte promo classique ou genre une non, je veux dire une épique. Une carte non, une carte la Mickey jaune du chapitre 1, mais avec tu sais la finition un peu comme pour Lilo, ils ont fait dans le coffret cadeau là, ouais, avec Elsa, tu vois, avec un peu des trucs vraiment avec même pas le bord noir mais les bords jaunes, etc. Elles sont, je crois que si tu revois les visuels des boîtes de puzzle, la carte est en haut à droite. Oui, pour te dire qu'en gros, en mode inclus dans la boîte, une carte promo Mickey, quoi. Mais c'est génial! Donc, c'est ça, génial. C'est raison de plus pour acheter, quoi. Voilà. Non, mais si tu vois, c'est ça. C'est au-delà de même que c'est très bien de faire des puzzles, leur canaille, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à mettre une carte promo, quoi. Tout à fait. Et le mieux, c'est un petit booster aussi dedans. Une carte promo et un booster. Ouais, mais après, le puzzle, il coûte 50 balles, quoi. Bon, un booster, ça coûte pas 50 balles quand même. Non, mais et le puzzle, tu payes déjà le puzzle. Si t'as la carte promo en plus dedans, plus le booster. Tu veux pas un playmat avec? Il est un 15. Tu veux un playmat avec le. Un playmat. Carrément aussi un deck de préconstruit. Un playmat à l'image du puzzle que tu viens de construire. Une trove. Ouais, tu veux tout. Et tout ça pour 15,50€. Ah bah, du coup, là. Donc, apparemment, pour répondre à ta question, le visuel avec. Angèle, ça serait officiel. Eh ben écoute, mais tu vois ça me met en appétit puisque en fait ça, je sens qu'il y a une petite histoire derrière, tu vois, qui est plaisante. Contrairement à Fabuleux, tu dis c'est de transition, mais j'aime pas. Je préfère quand il faut. Et tu vois, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir que si le 7-11, c'est Winterspell, pitié, ne refoutez pas du Reine des Neiges à gogo, quoi. Parce qu'on n'en peut plus, on n'en peut plus, quoi. On peut plus. Non. On a déjà 15 000 personnages, Elsa, Olaf, Kristoff, Sven, Elsa, Anna. La mécanique, quand t'as trois Elsa dans ta pioche. Hans, c'est bon. Arrêtez, on veut des nouvelles licences. Donnez-nous Tarzan. Donnez-nous Tarzan. Ils n'ont pas les droits. Je pense pas qu'ils aient les droits. Merde. Mais je leur donne, moi. Si je me trompe pas, je crois qu'ils n'ont pas les droits pour Tarzan. Bon, là, ouais, je sais. T'as Taramé Chaudron Magique, et puis bah, après, t'auras Pixar qui va arriver, donc ça va arriver doucement. Pixar 7-12, ça va faire du bien quand même. Je suis vraiment. Je veux un deck voiture avec Cars, quoi. Un deck pilote, le deck pilote avec les voitures de Cars. Oui, mais t'auras Vanellope et Cars, quoi. Ça peut être pas mal, ça. Tu vois. Ouais, ça peut être des bons combos ensemble, tu vois. Ça peut être pas mal. En plus, il y a Karting de Toy Story qui peut faire la voiture aussi. Donc... Ah oui, aussi. Ouais. Aussi, tout à fait. Non, il y a. Et voilà, après, on verra. Il y a Toy Story, il y a quand même des très bonnes licences. Imagine les tapis à gagner Toy Story ou Cars. Oh, ben... ah ouais. Les gens, ils vont aller en boutique, hein. Le deck, tu imagines, tu pourrais faire un deck monstre avec toutes les cartes de monstre et compagnie. Ah ouais, ça peut être pas mal. Deck chiot contre deck monstre. Ou deck balai. Ah, non, il n'y a plus de deck balai. Ça va être fini, deck balai. Plus de balai. Pas de balai. Non, mais même, je sais pas, genre Nemo, t'as plein de licences. Les indestructibles, tu fais un deck héros. Oui. Tu fais un deck héros avec les indestructibles. Ça peut être. Qui sont tous des héros. Bébé Jack-Jack en rouge, tu sais. Ah ouais, je vois bien un petit bébé Jack-Jack, tu sais, en enchanté, avec ses cheveux enflammés et tout, là. Ah oui. Un truc trop beau comme ça, tu Disney, vois. Disney, écoutez, Baptiste, s'il vous plaît. Les enchantés comme ça. Voilà. Eh ouais, faire ça. Ou même, imagine un easter egg, une carte de la lampe de Pixar, carrément. Ah ouais, Qui pourrait être multicolore et aller dans n'importe quel deck contenant des cartes Pixar. Genre Joker. Ouais. Ah, limite, non, là j'abuse un peu, mais une carte enchantée Toy Story, j'aimerais bien juste, tu sais, dans le 1, t'as Buzz qui s'envole avec comment, Woody, ouais. Il dit j'appelle pas ça voler, mais planer avec panache. Oui. Tomber avec panache, ouais. Et ben, tu vois, je me dis juste cette bien dessinée en enchanté, ça doit être magnifique. Ouais, une action comme ça, ouais. Une action qui s'appellerait tomber avec panache, ouais. Et, tomber avec panache. Hop. Voilà, sinon, la lampe de Pixar, il pourrait la faire en puzzle, tu sais, avec les dernières cartes des boosters. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Faire un token, ça pourrait être un clin d'œil pour dire que Pixar arrive. On pourrait faire un deck cuisine avec Ratatouille. Oh. Ouais, je pense pas qu'ils sortent tous les Pixar d'un coup quand même. Je pense pas. Ah bah non, mais bon, il y a tellement de trucs à faire. En fait, c'est ça qui est bien avec leur cana. C'est qu'ils ont, en fait, une infinité de cartes à faire. Enfin. C'est incroyable. Là-haut, j'aimerais beaucoup aussi, tu vois. une carte lieu, la maison de Frederiksen, où tu vois la maison avec tous les ballons et tout. Ouais, ça peut être ça. Ouais, ça peut être... T'as pas mal de choses. Après, faut pas mettre de Star Wars et de Marvel. Faut pas mettre ça. Non, moi, ouais, je suis d'accord. Par contre, ça là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Ils ont déjà leur jeu de cartes, faut les laisser de leur côté. Mais... Et même, il y en a qui disaient, ouais, mais même si tu fais un personnage, Dreamborn, Mickey qui a un sabre laser et tout, non. En fait, là, je suis vraiment pas chaud. Non, pas de Star Wars. Il faut vraiment rester. Ouais, voilà. Moi-même, je suis fan de Star Wars et de Marvel à fond. Ah, mais moi aussi. Hein. Star Wars, je suis comme un ouf. Mais... Pour moi, leur cana, c'est pas le truc. Enfin, c'était pas... Star Wars, ils ont déjà leur TCG, si tu veux. Oui, enfin, c'est ça. Et puis, ça sert à rien de forcer le truc. Ils ont... En plus, ils ont un tournoi, etc. Comme tu dis, TCG, c'est pas... ça sert à rien d'empiéter. Ouais, non, ce serait dommage. Bon, mais ouais, il y a plein de trucs à faire. Oui, il y a plein de trucs à faire. Puis, Pixar, et puis, c'est vraiment une bonne idée. Mais il faut Pixar, c'est génial. Tout le monde attendait de toute façon Pixar. Donc, c'est même un Pixar que j'ai bien aimé et que c'est en avant. T'as moyen de faire des objets avec. Ah ouais. Il est bien. Puis il y a moyen du coup de faire des personnages mages, hein, du coup, pour renforcer déjà un trait existant. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'en avant c'était sympa. C'est sympa. Nouveau deck chanson avec Coco aussi, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais. Des mélomanes, des chansons Coco et tout. Ouais. Ouais, ça peut être... Ne m'oublie pas pour aller chercher des cartes de ta défausse, tu vois. Prends toutes les cartes de ta défausse et joue-les gratuitement. Oh ouais, super. Récupérez une Mama Coco de votre défausse et remettez-la dans votre main. Si c'est la carte objet fauteuil roulant de Mama Coco. Tu sais. C'est génial. Non, en vrai, ce serait génial. Même Nemo, j'aimerais trop voir Nemo, oui. Tu vois. Mais je pense que t'attends pas non plus à tous les Pixar. Non, mais bien sûr. Quand on voit déjà que, regarde, on est au 7-9, on n'a pas vu déjà ne serait-ce que la moitié des licences normales de Disney, des Disney classiques. La question que je me suis posée, c'est que, je ne sais pas toi, mais j'ai une boutique où je vais de temps en temps. Des fois, ils sortent des tournois par licence. Tu peux avoir les couleurs que tu veux par licence. Ouais, nous aussi, on fait ça. Je pense... Parce que quand j'ai essayé de le savoir, c'est des conseils que tu as, des trucs comme ça, il n'est pas très clair. Je me demande si justement Disney ne penserait pas à faire quand même des formats comme ça, des formats licence, tu vois. Waouh. Ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa, mais ça peut, à mon avis, c'est sympa à faire en boutique. Après, là, ils viennent de sortir le format Infinity. Enfin, ils ont annoncé le format Infinity. Il y aura le. Et je pense qu'il va bien marcher. Triple deck et tout. Comment qu'on pourrait penser. Oh, il y aura moins. Ce sera la foire, hein, par contre. Hein. Il y aura des. À mon avis, il y aura des dingueries à faire. Mais je pense que le Infinity. C'est ça, Infinity Core. Je sais pas. Ouais, tout à fait, Infinity. Oui, je sais plus. Infinity, bref, machin. Bref. Ben voilà. Je pense que ils ont dit que c'était pas le format de base. Voilà. C'est corps construit classique avec la rotation. Mais j'ai cette impression-là que quand j'entends parler autour de moi, les gens ils disent bah moi non, je ferai l'Infinity, quoi. Oui. Ils feront le corps construit, mais ils disent voilà, moi si je ferai aussi l'Infinity, quoi. Parce que c'est. Comme tu dis, c'est t'as la base et puis t'as quelques cartes qui se rajoutent des nouveaux sets, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il va être populaire ce format-là. Après, pour moi, ce sera un format qui sera quand même assez déséquilibré, hein, dans le sens où bah. De base, ils ont enlevé ces cartes-là pour rendre le jeu plus équilibré. Alors là, il y aura moyen, à mon avis, de faire vraiment du gros n'importe quoi. On verra bien. On verra bien. On verra. Bon, après, j'ai toujours cette idée de me dire qu'il y a moyen, grâce à leur cana, de faire plein de formats différents. Voilà, tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, ils en font plein. Ce format-là, que je trouve génial, et d'ailleurs, j'ai pu t'admirer, je le dis, à affronter Gaëtan sur Twitch. Hein, ah oui, c'est vrai. Hein. On t'a pris une déclaration. Mettre une branlée à Gaëtan, tu veux dire. Non, j'ai perdu, je crois. Mais comment je trouvais que même vous avez commencé à faire ça sur Twitch pour découvrir un peu le format, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. J'attends avec impatience, honnêtement, un format multijoueur officiel. Ah, officiel, parce que officiel parce que je joue quand je peux en multijoueur avec mon épouse. Tu sais que j'ai jamais joué en multijoueur de ma vie encore. C'est génial. Ouais. J'adore, franchement j'adore. J'adore parce qu'en fait c'est on va dire la, c'est il faut bien, c'est un peu comme la belote. Je sais pas si tu connais la belote. Très rapidement. Très rapidement, mais tu vois, c'est ça joue. Je vois le genre. Ouais. C'est stratégique, c'est voilà, c'est pas comme le Uno quoi. c'est vraiment, enfin j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs il est sorti à la Japan Expo, ils ont fait un tournoi multijoueur à Japan Expo début juillet. Ok. Ils ont fait, je sais pas ce que ça a donné, mais Non, le seul multijoueur que j'ai fait, moi, tu sais, c'était pour jouer à la quête des Illumineurs avec Ursula et Jaffa. Oui, voilà. C'est pas vraiment le même mode non, de jeu. Non, c'est pas le même mode de jeu. Et en tout cas, j'ai pour avoir l'occasion de l'avoir fait plusieurs fois, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai gagné plus en multi que... voilà. Donc tu gagnais grâce aux autres finalement. Bah, grâce à ma fille de 10 ans. Et bah écoute, c'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais. On avait fait celui où c'était la première équipe arrivée à 30 de l'or. Là ça va vite. Hein. D'accord, ok. Et d'ailleurs je crois que ma fille avait fait 30 elle toute seule. Bah, belle perf. Ouais, mais elle avait un deck aggro à l'ancienne, tu sais, violet. Violet jaune, et en fait, moi derrière, avec mes cartes, je la couvrais pour pas qu'elle se fasse démonter par les deux autres. Donc c'était vraiment. Ouais. C'est le travail d'équipe, quoi. Elle scorait ouais, et toi tu défendais. C'est ça, effectivement. C'est là où on avait fait cette stratégie-là. Et par contre, on n'avait pas les mêmes couleurs. Tu n'avais pas droit. Ah oui, bien sûr. Communes. Donc j'ai joué vert. Non, j'ai joué rouge. Je crois que j'ai joué rouge, vert. Rouge-gris. Vert gris. Ouais, je me souviens, j'ai joué vert gris. Mais oui, parce que c'est le gris qui tapait tout le temps. Mais avec mon Robin des Bois, je faisais le ménage. Blam, blam, blam. Du coup, elle était. Je l'or. Les mecs, putain, ils allaient prendre l'avance. C'est cool. Et, mais ouais, c'était plutôt pas mal. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour là. Là, vraiment, on a même parlé des puzzles pour dire. Donc voilà. Carte promo dans les puzzles, n'oubliez pas. Carte promo dans les puzzles, mais pas de booster, hein, rien. Donc. Mais en tout cas, oui, alors bonne idée de faire des puzzles en Twitch. Ça permet de papoter avec les gens. Ben voilà, c'est ça. En fait, c'est au lieu de juste d'être assis à rien faire et discuter avec les gens des fois, bah faire le petit puzzle. Et puis voilà, ouais, ça permet aux gens de venir voir. C'est détente, c'est relaxant. C'est... Voilà. Ouais, comme tu dis, un puzzle, c'est relaxant. Tout à fait. Donc moi, je me dis pourquoi pas le faire en live et puis discuter avec ceux qui passent par là. Quoi. Moi, t'as raison. De tout et de rien, pas forcément de l'Orcana d'ailleurs. Mais voilà. C'est cool, c'est toujours cool de parler avec les gens. 15,50€, j'ai regardé. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher pour un puzzle. Et pour un puzzle 1000 pièces, vous pouvez aller à Action. Je fais pas la pub d'Action, mais je le dis. Moi, ce que je fais quand je fais un puzzle, je vais à Action, j'achète un tableau. Ils ont des tableaux de la même taille que les pièces qui coûtent 2 balles, franchement, quelle qualité. Pour coller dessus. Et t'achètes la colle spéciale à puzzle. Voilà. C'est une sorte de tube bustique, en fait, avec de. Tu fais comme ça, tu brosses. T'es en train de me donner une idée de zinzin, là, parce que tu vois, derrière, j'ai le fanion du Stitch Rockstar, là. Ouais. Et bah, sur mon mur, je mettrais bien, ouais, les tableaux des... Et puzzles. Tu vois pas, parce que voilà, mais il y a une porte là, dans le couloir, il y a tous les puzzles vilains de Villeneuve. Ah, d'accord, ah, ok. On les a tous fait. On les a tous fait. Ah, je n'ai pas fait un seul. On les a tous... Pourtant, j'ai le jeu, mais... Si t'aimes bien Villeneuve ou les vilains, on a fait tous les vilains Villeneuve, on était à Action, on a acheté... des tableaux, plus qu'à. Voilà. Et puis avec une colle. Ils ont tous collé, c'était très facile. Et ça se détériore pas, genre avec la colle. Tu sais, des fois, la pièce. En fait, c'est vraiment fait exprès, quoi. Je vous conseille la colle spéciale. Attention, instant conseil, instant pro. Instant bricolage. Instant bricolage. Je vous conseille la colle spéciale puzzle Ravensburger. La brosse, elle est souple, on dirait un petit pinceau. Voilà. Et en plus, non seulement il colle, mais en plus, il vernit. Oh, pardon. Certains... Oui, monsieur, ça vernit. C'est certain qu'il est collé. Voilà. Donc, celui-là, il colle, mais il vernit. Donc, voilà. Donc, wow. Si... je conseille fortement. Alors, certes, ça coûte plus cher. Tu colles. Tu vois, sur Amazon, tu marques colle à puzzle, t'en as plein de bas tarifs. Mais sur Ravensburger, il y a une petite mousse qui ne détériore pas le puzzle. Ça glisse dessus et en même temps, il le vernit. Donc, voilà. Oh, je conseille la colle à puzzle Ravensburger. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai plus, parce que vu qu'on a fait tous les Villeneuve. Il faudra en racheter pour faire ceux de l'Orcana maintenant. Bah, tu vois, maintenant qu'on en parle, je pense que je vais acheter sur l'Orcana. Voilà, 10 balles. Voilà, 10 balles, la colle à puzzle. Tu fais combien de puzzles avec ? Les gens demandent dans le chat. Un paquet. Je sais pas, on est pas là. Tu peux en faire un paquet. Parce que je crois qu'avec un tube, on en a fait au moins 6. Donc rentable. Ouais. Oh bah carrément. 10 balles pour coller et protéger 6 puzzles. Et encore, certains puzzles, j'ai mis la dose. Hein. Mais voilà. T'as part au chien, quoi. Non. Mais en tout cas, non, c'est la puzzle conserveur. Voilà. Et par rapport aux autres, il vernit. Alors certes, parce que t'as des colles à jouer à la colle à puzzle. Donc attends, tu mets la colle en dessous et en plus, tu mets dessus pour vernir le dessin. Non, en fait, tu poses ton puzzle sur le tableau classique. Voilà, comme ça, tu n'as plus qu'à avec la vitre dessus. Et en fait, avant de mettre la vitre, tu colles. Tu laisses 2 heures à coller. Une fois que c'est collé, tu mets la vitre. Voilà. Donc, on est d'accord que... Non, bah, du coup, la pièce absorbe la colle et elle se colle d'elle-même, non, du coup. La colle va entre les pièces. Ah oui, d'accord. Ok, elle soude les pièces entre elles, mais elle colle pas le puzzle au tableau. Non, elle colle pas le puzzle au tableau. On est d'accord. Donc du coup, après, en gros, le puzzle un peu se vitrifie, quoi. Il est verni, il est clair. Voilà, tu mets une lampe torche. Ok, est-ce que moi, dans ma tête de néophyte des puzzles, je pensais que tu collais les pièces. En gros, tu mettais ta colle sur ton tableau et qu'après, tu remettais les pièces sur ton tableau. Pas du tout. Tu fais ton puzzle classique sur le tableau, machin, etc. Et une fois que tu l'as fini, c'est là que tu brosses avec la colle. Voilà. D'accord. T'as plus qu'à mettre. Alors, il faut laisser quand même sécher 2 heures, comme je disais. Parce que, en fait, faut laisser cuire. Ça se vernit. Et d'ailleurs, j'ai des puzzles. Bah, tiens, Toy Story qu'on a fait avec mon épouse. Et en fait, on les avait pendus. On les avait accrochés. Et c'est avec la lune et le soleil, ils avaient décoloré. Ah ouais, ça c'est l'enfer. Jamais ceux-là, ils ont jamais décoloré. D'ailleurs, le vernis a fait son taf de protection. J'ai découvert un truc. J'ai des cartes Lorcana qui ont décoloré aussi. En fait, je les ai mis sous mon Velux. Je les étale sous mon Velux pour celles que je vends sur Card Market. Ma collection d'enchantés là, sous le Velux. Non, celles-là elles sont protégées quelque part. J'en ai qui ont décoloré. Ah merde, c'est terrible. Et on le voit de toute façon, même quand tu vas dans des boutiques de pop culture et tout, des trucs machin, tous ceux qui mettent les figurines pop en vitrine, là, tu vois que les pop aussi, elles prennent tarif. Hein. Ouais, ça, putain de lune, chier. Ouais, soleil aussi, hein, c'est un fou, le soleil. Le soleil à travers une vitre, c'est fatal. Hein. Je vais peut-être te montrer, je sais plus, c'est un personnage, c'est le mime dans Réponse qui a complètement décoloré. Voilà. Il est plus blanc que blanc. Là. Oui, Ulf, il est blanc, bouger blanc. Là. Il est bien blanc. Voilà. Bon, voilà. Trop on va soucis de machin. C'est trop soucis de travers. C'était l'instant expert puzzle by Benji. C'est important, parce que quand tu achètes un puzzle, quand même 15 balles, tu vas mettre peut-être une journée et demie à le faire. Tu dis, il est beau, tu vas le regarder. Et puis tu le pends, il est resté longtemps chez toi. Donc du coup, si tu veux, ça devient un véritable élément de décoration après chez toi. Quand on a des amis qui viennent à la maison, qui viennent dans les couloirs, je vois pas, couloirs là, et ben ils voient nos puzzles viennois, ils font ils sont beaux quand même. Voilà, ils sont nickel. Eh ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon, donc il y a aussi des puzzles vilaineux pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc voilà. Sans carte promo par contre. Non, t'as même pas le jeu dedans, t'as pas de figurine. Ah ouais, nul. Nul, aucun intérêt. Alors que l'Orcana. T'as une carte promo. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que toi, tu vois, imagine, tu achètes quoi? C'est quoi ta couleur que tu vas acheter là? Rouge? Rouge, je pense, ouais, en premier si pour Magnifique Dragon, c'est mon crush. C'est mon crush. Bah alors, c'est ton crush. Si t'achètes rouge et j'achète rouge aussi, par exemple, est-ce qu'on aura la même carte promo? Bien sûr, il n'y a que Mickey dedans. Peu importe le puzzle que tu achètes, c'est Mickey dedans. Ah d'accord, c'est pas une carte promo autre que Mickey. Ah non, c'est Mickey. De ce que j'ai vu d'annoncer, c'est Mickey dedans. Point barre. Merde. Même pas en épique. C'est comme par exemple là dans le coffret cadeau avec Lilo et Stitch, t'avais Lilo et Stitch en promo. Tout pareil. C'est que elle, je crois. Je crois, hein, mais je crois. Je suis sûr à 90%. Bon, bah écoute, tant pis pour nous. On pourra pas comparer notre carte promo, du coup, c'est mort. Mais non. Et sur Card Market, elle se vendra, je suis sûr. Voilà. Ouais, peut-être 50 centimes. Ouais. Et tu sais qu'ils ont fait des cartes promo pour les cruises de Disney, aussi. Ah ouais? Tu savais pas? En fait, Lorcana, attends, je vais taper Lorcana Disney Cruise, tu vois. Parce que Disney, ils ont des croisières, voilà. Alors, vas-y, je suis dessus. Tu tapes croisière Disney Lorcana. Ouais. Et New Lorcana Disney Cruise Event et 5 cartes promo exclusives disponibles à bord de la croisière Disney Treasure. Ah ouais, vu avec le Donald Duck et tout là. Ouais. Le Goofy. La belle, elle est belle. T'as vu? J'avais jamais vu ces cartes là, Seigneur. Et t'as vu? Waouh. Sont belles, hein. Le Donald Duck est très beau et la belle est très belle pour le coup. C'est génial. Pour le coup. Hein. Donc, du coup, si jamais tu fais une avec la mer à côté, tu vois, ça fait un peu une carte qui vient, enfin, à mon avis, ça. Et puis, t'as vu l'icône en dessous, c'est l'océan, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Voilà. Donc, et ils ont même fait des tote bags. Voilà. Eh bien, on se refuse. Donc, si vous faites une croisière Disney et que vous savez pas ce que c'est que leur cana, mais que si vous passez et qu'on vous en propose une, vous la prenez et on vous donne notre adresse avec Baptiste. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà, on vous la donnera avec plaisir. On vous fera une dédicace lors du prochain podcast. C'est ça. Non, ah, je vois le tote bag avec Mickey là. Ouais, okay. Non, mais c'est pas mal. Hein. C'est... Ouais, c'est... Ah ouais, c'est vraiment bien. Je trouve stylé avec les vagues. Pour ce que vous y rêvez. Alors, les gens, vous tapez croisière Disney et leur cana et vous tomberez sur la promotion. Du. Mais je trouve ça pas mal avec Gen Con, la Gen Con, les croisières Disney, tout ça. Tu vois, ils mettent du leur cana un peu partout. Quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aime bien le goût. Vraiment aussi. Pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, eh ben là, on a vraiment fini, Baptiste. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de tout, quand même, 1h40. on va en faire un prochain après la sortie du 7-9. On va attendre un peu que la méta, je sais pas si on se stabilise ou débute. Ouais, s'installe, juste. S'installe, ouais. Puis on fait un petit point. Et puis, tu nous diras si tu vas à Bologne. Tu sais pas. Bologne, je n'y vais pas, pour sûr. Gant, peut-être. Alors, Gant, je vais y aller. Peut-être. Avec toi, ça te fait vraiment pas loin pour le coup. Ouais. Ouais, ça me mais ouais, à voir. J'ai plus la date en tête de Gant. Mais c'est, je sais plus, c'est en mars. Quoi. Mars je sais plus. Oui, il y a le temps de voir venir. Quoi. Oui, il y a le temps de voir venir. Voilà. En tout cas, merci Baptiste. Retrouvez Baptiste avec grand plaisir. Sur ses réseaux. Voilà. Merci à toi. Retrouvez Baptiste sur ses réseaux. Je vais mettre le lien. Il se met à faire des réels. C'est gentil. Alors, allez voir ses réels, absolument. Voilà. Oui. C'est Twitch, toujours des Twitch animés, des Twitch différents. C'est agréable de voir un peu de gaming, un peu de l'orcana. Voilà, c'est non mais c'est varié, c'est appréciable. Voilà. Ah bah c'est très gentil. Donc moi j'ai regardé un petit peu pas tout le temps quand tu faisais ton jeu là. Ah. Clair Obscur. Et il te ressemblait le personnage. T'as vu, c'est fou hein. J'ai cru que c'était ceux qui savent Gustave, voilà. Gustave au début du jeu. J'ai cru que c'est vrai que moi aussi, au début, ça m'a un peu troublé. Mais, voilà. Mais c'était pas toi. Voilà. Mais c'était pas moi. Pour le coup, c'était vraiment pas moi. Et puis, bah, je t'ai vu faire AA, enfin en partie, parce que voilà, je t'ai vu faire AA en Lego. Voilà. Et bah, je rebondis. Du coup, il y a un réel qui est disponible sur mon Instagram où il y a une minute de réel pour voir en avance rapide le montage et le rendu final du AA. Allez voir, dans Lego. Il a monté pendant 6 heures. Donc, vous avez 6 heures. Sinon, ouais, bah, tu sais, moi, les trucs de pour 8 ans et plus, c'est tout le temps galère pour moi. Vous voyez d'ailleurs ses enfants pleurer derrière parce qu'il l'a fait à leur place. C'est très je l'ai fait en 6 heures alors que sur la boîte c'était marqué 8 ans et plus. J'ai vraiment pas mis beaucoup de temps. Ah bah, t'as mis 7 ans, 365 jours, 354 jours. Et 16 heures, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. 18 heures, voilà. C'est pas mal. Ouais. Ça c'est bien comme ça. J'aime bien, valide. En tout cas les gens, merci, merci de votre écoute, merci aussi de votre fidélité. Allez voir absolument et abonnez-vous à Baptiste comme d'habitude. C'est gentil. Merci de votre fidélité, on refera du Lorcana. Ouais. Je crois qu'il y a d'autres podcasts qui font du Lorcana mais c'est un peu différent de nous. Bah et puis ils m'ont pas moi quoi, c'est surtout ça. Le mec il se sent plus pissé. Ils ont pas trop de paquetteurs, mais je crois que c'est un peu plus pro. On va dire, ils prennent une carte et puis ils analysent. Oh, mais c'est plus chiant du coup. C'est plus boring. Voilà. Mais en tout cas, parce que nous, on a des génériques. Si j'en ai des nouveaux. J'ai celui-là. Ah ouais. Voilà, j'avais celui-là qui était prévu. Tu vois, j'avais aussi celui-là pour. Mais Gaëtan n'est pas là. Voilà. Mais bon, un beau matin. Voilà, bon, et d'ailleurs, j'aurais une idée de podcast. Vas-y, pour toi. Parce qu'on parle de ça, de review de cartes, de trucs machin, ouais, un peu plus sérieux. Mais parce que moi, c'est une idée que j'avais à faire. Mais du coup, autant que je te donne à toi, vu que toi, c'est ton truc, faire une sorte de podcast aussi. Avec une sorte de. En fait, je voulais faire un truc comme ça avant les championnats de 7, la période de lancement des championnats de 7, pour faire une review générale de la méta. Pour essayer d'aider un petit peu les joueurs qui vont faire leur championnat de 7, savoir quel deck choisir, quels sont les decks qui peuvent être intéressants, avec quelles cartes du coup les jouer, présenter les decks en fait. Tu sais ce qu'on peut faire, je peux même te donner mes passes de mon studio et tu le fais. On peut faire non. ça. Non. Non, non, vraiment. Ou tu peux le faire tout seul aussi. Et on peut le faire aussi. Oui, non, non, non, non, non, mais du tout. Mais garder cet esprit-là, toi, de, oui. de le faire. Et puis. Eh ben, on va en parler en ça, off. Si ça intéresse les gens, qu'ils puissent laisser un commentaire sous ce podcast. Eh ben, on ça va. Moi, ça m'intéresse potentiellement, oui, d'avoir des podcasts pour savoir quoi jouer pour mes championnats de 7 parce que je ne sais jamais quoi jouer. Et si jamais. On peut trouver des cartes. Parce que par exemple, dire ah bah oui, mais moi j'ai pas cette carte là qui est légendaire, je l'ai pas en 4 fois, eh bien je pourrais venir avec des alternatives de cartes qui peuvent essayer de remplacer ces cartes. Des cartes un peu moins en rareté, moins folles. Voilà. Et ben écoute, adjugé vendu, ce qu'on peut faire, c'est pour le prochain, du coup, on attend que la méta s'installe. Et non, avant le championnat de 7. Juste avant les championnats de 7, ouais, ça peut être intéressant. Ah bah là, c'est en 3 mois maintenant. C'est à la fin du prochain 7 finalement. Ouais, bah du coup on fera donc ça. Je pense que ce sera aux alentours de octobre novembre. Est-ce que ça va, c'est d'inviter des gens qui nous connaissent pas. Ah bah oui. Enfin qui nous connaissent, mais on pourrait faire ça. Ouais, bonne idée. Écoute. Ou même des pourquoi pas des auditeurs, faire venir des auditeurs. Écoute, tu sais, tu fais un salon Discord. Je pense même le faire en live aussi. C'est jouable aussi. Sur ta chaîne. On pourrait faire ça en live parce que je peux enregistrer en live sur une chaîne de quelqu'un. Et ben écoute, comme tu veux, ou après, comme on a dit, on peut faire venir des gens là. Tu sais, si tu as moyen de record un Discord, peut-être, ou je sais pas quoi, tu peux faire un avec le salon parce que tu as un Discord, toi, oui. de ton podcast. Oui. Tu peux faire une file d'attente, tu sais, où les gens se mettent dedans qui veulent intervenir, on les fait venir. Et puis les gens peuvent venir nous dire bah voilà, moi je joue telle couleur, mais je sais pas trop comment améliorer mon deck ou quoi. Écoute, écoute, tâte le terrain de ton côté, et moi je tâte le terrain de mon côté. Je tâte. Et puis si tu vois que ça prend, on fait. Je valide. Et ben, de toute façon, les gens ça les intéresse toujours. Oui, surtout que quand comme tu dis, ils savent pas trop jouer, qu'ils sont un peu débutants ou ils veulent faire autre chose. Même au-delà, pas forcément de pas savoir jouer, mais pas savoir quoi jouer surtout. C'est souvent, c'est les gens disent ah putain, le tournoi arrive, je sais pas quoi faire. Moi j'ai toujours ce truc, c'est que quand j'ai un tournoi, je me dis ah celle-là j'aime bien cette carte-là, je vais la mettre. Et puis, non, c'est une mauvaise idée parce que je. Bien sûr. Non, je vais la mettre. Non, je vais pas la mettre. Et au final, je la mets. Et au final, elle me sert à rien. la seule limite de ce truc-là, c'est de se dire bah j'ai pas les cartes. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Mais trouver une alternative parce que t'as une rareté plus basse, ça peut être pas mal. C'est pas tout le temps possible, mais quand c'est possible, ça peut être sympa aussi. Ouais. Écoute, on tâte le terrain et puis on fera. Si ça. On tâte. Voilà. Si ça intéresse les gens, ils vont nous le dire. Ils te feront les remonter. Ah bah ils vont les faire, oui, assez rapidement d'ailleurs. Mais allez, hop. Et vous avez intérêt, les gars. Les gens de faire des remontées. Non, les remontées qu'on a du podcast Lorcana, c'est généralement que. Ben en fait, c'est sur toi. C'est toujours appréciable d'écouter Baptiste et. Et moi, c'est gentil. Tu vois ça où tout ça? Moi, ça m'intéresse de voir ces retours-là, tu sais. Bah, tu as juste à regarder sur l'Instagram. Tu vois. Ah, c'est l'Instagram. Il marque les gens. Ah, ça fait toujours plaisir. Ah, mais t'envoies un message privé. Ah, des fois, j'ai des messages privés, mais la plupart, c'est sur Insta ou dans les commentaires Spotify. Aussi, des fois. Mais les gens sont très gentils de toute façon. Ils sont adorables. Et Lorcana, on a une communauté très bienveillante. Oui. Et de toute façon, en plus, ton travail est qualitatif aussi. On va pas se mentir, ton travail, même au-delà de Lorcana, je veux dire, moi j'écoute de temps en temps aussi les podcasts Marvel, etc., que j'aime beaucoup écouter au boulot. Tu sais, vu que je livre dans ma petite voiture, des fois je me mets un petit podcast de Benji en fond. J'écoute tout ça, j'apprends des choses tranquillement sur l'univers Marvel. Ça m'intéresse, je parfais ma culture. Je vais faire un épisode sur le TG Marvel, mais je vais voir. C'est Marvel Snap, là ? Non, c'est pas ça. Marvel Snap est un autre TCG Marvel, je sais plus comment il s'appelle. Marvel United, je crois, un truc comme ça. Faut que je regarde. Alors là, tu m'as perdu. Voilà. J'écouterai, du coup, pour me tenir informé. En tout cas, merci les gens. Merci Baptiste d'être venu. On sera Gaëtan. On va le forcer, on va le baïonner, on va aller à Marne-la-Vallée. On le kidnappe. On le kidnappera. On va attendre que la méta se stabilise un petit peu pour faire un podcast. Et puis, on va voir pour faire un podcast justement avant les championnats de 7 pour préparer le deck. Voilà. Préparer la guerre. C'est ça. Pour chercher son tapis. Son et tapis maléfique est sublime, je le veux absolument. Ouais, t'aimes bien la carte peut-être aussi, ça aide. Non. Ah bah la carte. De toute façon, moi, 7-1, ça a été ma carte coup de cœur en termes de design. Et de design de cartes et d'illustrations. J'en ai une. Qu'on m'a très fortement bradé parce qu'on savait que j'adorais la carte. Donc, presque donné. Mais en vrai, je l'adore cette carte. Le dessin, je l'adore. Nicolas Cole a fait un travail de fou. 9 encres, c'est fait beaucoup. Ah, moi, je te parle du dessin. Après, le reste. Je l'ai quasiment jamais joué, hein, la carte. Ouais, mais... c'est un peu comme le Mickey Grid à 10. Il faut avoir 10 encres, c'est chaud quand même. C'est ça. Le Aldago Chevalier, là. Non, c'est Mickey Chevalier, non ? C'est Mickey Chevalier à 10. C'est Dingo, il me semble, à 10. Oh, il coûte 10 et il a 10-10 en stats. Ouais. Mais non, c'est Souris Géante. C'est Mickey. Ah, le nouveau, tu me parles du nouveau. Mais il y a déjà un Dingo Chevalier qui existe là. Ah oui, qui est 7-2 ou 3, je crois. Et il coûte 10, il a 10-10 en stats. Et il aura 3, je crois. Ah ouais. Parce que Mickey Géant, à Souris Géante, il aura 5, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Bonjour, je la sors, boum. Pour la sortir, bon courage. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci les gens. Merci Baptiste encore une fois. Merci de votre écoute. Et puis, on va se retrouver pour un prochain podcast sur Lorcana en septembre, lorsque la méta se sera stabilisée. Et puis après, ensuite, pourquoi pas, avec ces superbes idées qu'a eu Baptiste, de faire un podcast sur la préparation pour le prochain set. Voilà. Bye. Bisous.